DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Salut Roux. Salut. Dis-moi, tu peux me prêter 30 centimes? Allô? Quoi? Ouais. Les trois jambes coupées à l'hôpital, j'arrive tout de suite. Sale con. Ouais. Oh, marche pas le jingle. Ah, il essaye, hein. Ah, non, il essayait. Ah ben voilà. Quand il veut, hein. Non mais... Si Dr House devait écouter une seule émission de radio... À moins que vous ayez de la bicodine, allez-vous-en. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Michael. 21h minuit. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Eh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Bah ça va, moi en tout cas. Bon, qu'est-ce qui lui arrive au roux encore là? Parce qu'il fait des têtes bizarres. C'est quoi ton problème? Si je recule, je m'entends dans les deux oreilles. Si j'avance... Mais c'est parce que il est mal vissé le casque. Voilà, revisse-le bien. Alors le roux est totalement dépareillé. Toutes les couleurs, on dirait un arc-en-ciel. Ouais, ou un schtroumpf, ouais, effectivement. Un schtroumpf noir. Voilà, exactement. Bon, le roux va bien? Bah ouais, j'entends pas ce que je dis dans vos casques, c'est pas grave. Elle change de casque. Mais oui, change de casque. Est-ce que t'es dans le bon trou? Oui, c'est un autre problème. Bon, Tof, qu'elle est aussi en pleine forme, évidemment, est-ce que ça parle de trou? Ah bah, dès que ça parle de trou, moi je suis en forme. Hein, bah évidemment, le contraire m'aurait étonné. Sandro Lopez également au taquet. Bah au taquet, ouais. Bon, très bien. Jack aussi. Il y a bien entendu Micha qui est au standard au 0870 42 48. Ce soir, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, un invité au téléphone. Ouh. Et pas n'importe lequel. À la limite, j'allais vous mettre un extrait, tout ça. Non, c'est un chanteur. C'est un autre chanteur. Ouais, je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, il faudra rester là. On l'aura au téléphone dans pas très très longtemps. Mais une exclue vaut... en France, on peut le dire. Dans le monde entier, même. Une exclue mondiale. Sauf peut-être dans son pays d'origine. Même pas. Ouais, mais enfin, je suis pas certain, donc je ne m'avancerai pas. Mais oui, grosse exclue tout à l'heure. Il ne faudra surtout pas bouger de là. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais faudra rester là. Stop. Bon, et puis on parlera également. On aura un petit service après bourde des politiques. Voilà, puisque Morano a encore fait de la merde. Hein. Elle a dit de la merde. Non, mais voilà, oui, c'est ça. Elle a dit de la merde. On aura l'occasion d'en parler plus longuement tout à l'heure. En tout cas, c'est une merde, comment dire. Une belle bourde, hein. Ouais. Une merdounette. Ouais, une hortefeuserie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est en gros. Une chiasserie. Une brissade. Voilà, oui, voilà, une brissouette. Une brissade. Ouais, en plus, après sa chorégraphie en pleine assemblée du lip-dub. Ouais, voilà, exactement. Donc, on aura tout à l'heure une petite service après-bourde des politiques, puisqu'il nous a fait aussi une grosse merde. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est quoi déjà sa fonction, Nadine Morano? Elle est. Merde. Dans la politique. Elle est présidente du groupe, je crois, ou un truc comme ça. Non, mais non. Président du groupe UMP, non, c'est. Non, c'est pas elle? Non, c'est Sarko. Bon, enfin, en tout cas, on parlera de Morano tout à l'heure. Hein. Mais comme vous voyez, nous sommes au top de la politique, bien entendu. Non, du groupe à l'Assemblée. Ah, d'accord, ok, pardon. Ah, très bien. On va vérifier. Mais il vaut mieux, ouais, vérifions. Elle est pas maire de quelque chose, d'une ville. Hein. Ah, elle est certainement la maire de quelqu'un, ouais. Non, on va pas se ridiculiser plus longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. J'essaie de passer. Il y a personne chargé à la famille au travail. Voilà. C'est vous qui avez fait de la merde. Bon, bah, très en fait, bien, elle a juste dit que ce qu'elle attendait d'un musulman français ou pas. Elle a dit français. Français, oui. D'un musulman français, c'est par exemple. Mettre sa casquette à l'envers. À l'endroit. Non, pas à l'envers, je voulais dire. Oui, à l'endroit, donc effectivement. Déjà cliché, quoi. Et qu'il parle le français sans verlan. Sans problème, et sans parler en verlan. Le français, lui, il peut par contre. Ah oui. Le français, lui, non, mais le français, il fait ce qu'il veut, il est français. Hein, lui, merde. Voilà, il est français, merde. Bon, et puis le répondeur aussi qu'on va écouter maintenant, 01 40 71 3400. Écoutez bien, comme tous les soirs, on récompensera le message le plus original. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Alors là, en fait, c'était cool. J'étais passé, j'ai dit à la radio. Alors j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure quand je me suis entendu, c'était super bien et tout. Et alors après, quand j'ai su que j'avais gagné, mais alors là, j'étais super content. Non, mais quand je dis super content, vraiment content. Mais le seul problème, c'est que Micha, il m'a toujours pas rappelé. Donc voilà, si vous vous souvenez de moi, j'étais le gagnant de Il y a de l'espoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut. Fin du message. Message suivant. Ouais, je me souviens plus, c'est vendredi, je pense. Mike t'a dit que tout le monde gagnait au répondeur. Et personne m'a rappelé. Michel. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Bon bah merci. Fin du message. Ouf, message suivant. Oh non putain, vous retournez dans les problèmes personnels là. Ouais, comment je casserai mon copain, on en a rien à foutre. Si j'avais envie d'écouter ça, j'écouterais Diffoul, moi. Repartez dans des trucs plus cool, genre le vendredi 13 ou est-ce qu'il y a des verres terrestres. Là, on a rien à battre de sa life à la meuf. Fin du message. On parlera des morpions dans tout le top. Suivant. Ouais, je voulais juste te dire, je sais pas si vous avez vu, il y a Berlusconi avec ses primes et ses. On lui a balancé une statuette dans la gueule. Ouais. Résultat des courses, hein, il s'est trouvé avec deux dents cassées, une fracture du nez et la gueule pleine de sang. Ouais. Donc en fait, je pense que le message a été envoyé pour Toff, en fait, c'est juste un petit avertissement. Donc Toff, arrête franchement de faire le pervers. Fin du message. Message suivant. Putain Mike, tu m'as refilé ta saloperie à la gorge, là, c'est trop affreux. Hey, mais je sais pas comment tu fais pour survivre toi, mais moi ça me déchire. Hein. Bon, du coup, je vais pas encore aller chez vous, mais mon compte, c'est une déchirement. Fin des nouveaux messages. Voilà les nouveaux messages donc de ce jour. Et si vous voulez. Qu'est-ce que tu fous, Sandro? Ouais, vous lavez les dents? Putain, mais. Attends, on est dans un autre monde là, comment ça tu te laves les dents? Parce qu'on lui a dit un truc dans le bureau, elle a pris la lettre. Vient de la lettre. Ah, mais en fait... j'avais mon livre, c'était un coup de fin. Ouais, en fait c'est une étude américaine qui est sortie, elle explique que si tu te brosses les dents. Ah mais attends, c'est pas possible de te brosser les dents comme ça en direct. comme ça, j'ai jamais envie de le bouffer. Ouais, en fait si tu te brosses les dents, en fait la déjà ça donne une meilleure haleine, donc Toff, n'hésite pas à faire pareil. Bah, je récupérerai la brosse à dents après. Ouais, très bien. En fait si tu te brosses les dents, en fait ça te coupe la faim et ouais. Donc du coup ton envie de manger diminue et donc il y a des meufs, elles arrivent à perdre jusqu'à 15% de graisse juste en se brossant les dents chaque fois qu'elles ont faim. Donc tu vas passer ta life à te brosser les dents. Bah ouais. Et puis en même temps, crache la sur Alice. Ouais, crache. Et puis en même temps, quand elle se brosse les dents, elle a quelque chose en bouche, donc du coup, elle mange pas. Ah ouais, bah oui. Bon, enfin, si tu veux, il y a d'autres moyens d'avoir quelque chose en bouche. Hein. Ça doit faire 3 semaines que je me suis pas lavé les dents. Oh, t'es vraiment une merde. À ce point-là. Ah, je crois que je vais y aller. Je bah oui, c'est gratuit la brosse à dents. Je passe après. Ah non. Et après, non, c'est non, toi. Non, non, tu passes en dernier. Ah non. Si. Mais il y a de l'eau. Non, tu es malade ou quoi? Oh là là, la rousse. Ah non, c'est comique. Le dentifrice qu'on lui a acheté à Sandra, c'est pour adultes seulement. Oui. Alors je voudrais savoir. Mais peut-être parce qu'il y a de l'alcool dedans. Hein. C'est bizarre. Comment ouais. Il s'appelle? Il s'appelle Monoprix dentifrice blancheur. Ah oui, c'est blancheur. Cher, c'est parfait. Ah, oui, c'est le dentifrice préféré de d'Hortefeu blancheur. Cela dit, attention, il faut que ça soit de la menthe fraîche. Hein. Ouais, ouais. C'est de la menthe fraîche là. Oui. Ouais. Bon, attendez juste un détail, mais c'est qu'on a complètement zappé le répondeur. Micha, les deux premiers messages, celui vendredi. Et hier, ou je sais plus, jeudi et vendredi. Non, c'était jeudi et vendredi les gagnants, tu vas les rappeler. Entre ceux qui s'autoproclament gagnants, non, ceux qui ne s'autoproclament pas. J'ai dit qu'ils gagnaient tous. Oui, bah si j'ai pas le numéro, j'ai pas les. Bah, j'ai pas de la télépathie. Bah dis-moi et je passerai l'annonce. Bah passe l'annonce. Bon bah tu fous de ma gueule. Ah, non. non. Tu vas demander à Ben, non pas à Ben, tu vas. Non, possible, non. vas demander, tu vas te démerder pour avoir les numéros de j'ai téléphone. J'ai pas le numéro, j'ai pas passé ma vie à aller chercher. Je ne veux pas le savoir, débrouille-toi. Voilà, bon, 0140. Je t'en supplie, Sandro, arrête ça direct. J'ai 3 minutes maximum. Mais... T'as fait minimum, ou pas, là, minimum. Minimum. Ouais. On brosse encore alors. Moi, je pense que tu brosses très mal les dents parce qu'il faut pas faire de. Je l'attendais. Non, mais il faut pas faire comme une pipe. Il faut faire de haut en bas. Faut pas faire comme une pipe. C'est bien dit. Elle est en train de branler sa brosse à dents. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ça la fait gonfler ou pas? Faut faire de haut en bas. La brosse à dents. Non. Ah, je l'ai un peu quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mickaël, le podcast. Et puis les 1000 euros qui peuvent tomber aussi à tout moment. Restez bien à l'écoute dès que le petit signal retentit. Il faut faire le 612, débuter votre message par énergie. Ceci est un exemple. Voilà, dès que vous entendez ça, ça peut se passer dans la pub, ça peut se passer après la pub, pendant un disque, après un disque, avant un disque, pendant qu'on parle. À tout moment, 612, débuté par énergie, vous mettez 1000 et votre numéro de téléphone et vous repartirez avec 1000 euros. Cash. Ouais, c'est voilà. Moi qui m'occupe du recrutement, donc que des meufs à forte poitrine. C'est ça, t'as raison. Non, tout le monde peut jouer. Hein. C'est pas certainement pas Toff qui va s'occuper du recrutement. Alors ça, je vous le garantis directement. Ah, c'est dommage parce que ça m'aurait peut-être permis de serrer. Non, ça aurait été vachement bien. T'es 1000 euros pour avoir une meuf, c'est vachement plus pratique. Quoi, tu les payes en plus tes meufs maintenant? Prends des putes de luxe? Bah, tu sais, parfois c'est mieux. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Bah, sinon, tu vas au Bois de Boulogne, hein, t'auras un mec, un recto verso. Ouais, mais c'est ça, tu sais pas trop ce que mais c'est moins cher. Hein. Oui, c'est moins cher, mais tu sais, c'est comme quand tu vas acheter dans les trucs discount. Hein. Après, tu sais pas trop ce que t'as dans ton assiette. Hein. Ouais, mais regarde dans ton après. Assiette. Si tu veux, t'as qu'à prendre l'euro. Pour 100 euros, je crois que tu peux faire un truc. Hein. Ouh, bah, va falloir payer plus cher pour 100 euros, je peux te démonter plus. Non. Plus cher. Si tu penses à autre chose pendant qu'il démonte. Non, je suis prêt à le faire pour de l'argent, mais pas. Pourquoi tu parles de ça? Tu penses à quoi, toi? Non, ah, à me brosser les dents. Non, mais si la Roux... preuve, quand je me brossais les dents, je faisais une pipe à ma brosse à dents. Si Roux pense à autre chose, il peut penser que c'est une meuf qui le pénètre. C'est peut-être plus sympa avec un gars de ceinture, tu vois. Ouais. Avec un gars de ceinture, ouais. Non, mais même une meuf qui me pénètre, faut payer. Dentifrice au coin de la bouche encore. Ouais, mais ça, c'est pour montrer à tout le monde que je me suis brossé les dents. Ou que t'as terminé Toff. Non. Ah, du coup, il l'enlève, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai, tu penses à autre chose, ouais, c'est ça, t'as fait derrière, t'imagines que c'est Sandro ou une meuf, n'importe laquelle. Et puis voilà. Non, je peux pas penser à autre chose. Oh, allez, vas-y, fais pas chier, quoi. Si je mets une perruque blonde et que je me mets devant. Non plus. Ah, ouais, tu te mets devant. Ouais. Mais non, mais attendez, c'est pas une question de nana ou de mec, c'est juste de me faire sodomiser, c'est pas mon délire. Ah oui, mais là, c'est toi qui mets une cartouche, donc ça. Attends, ça se voit bien, t'as beau avoir une perruque blonde, t'as quand même des poils noirs autour des fesses, hein. Ouais, mais dans le noir, tu peux pas me raser, je prends de la crème dépilante et puis. Non, mais je crois que c'est pas la peine. Bah, allez, roux. Faudra payer très cher. Bon, t'es vraiment chiant, hein, c'est pas grave. Tant pis. J'aurais bien, franchement, pour 100€, moi j'étais chaud. Hein. Donc t'as pas d'imagination. Quand tu te tapes un mec ou une meuf, t'as pas d'imagination. Tu penses à rien. Alors, je me tape rarement des mecs. Ah, mais ça arrive. Si, t'as dit rarement, c'est déjà arrivé. Rarement, ça veut dire que ça arrive. Non, rarement ne veut pas dire jamais. Ah, exactement. Sinon, t'aurais dit jamais. Jamais. Non, bah, c'est trop tard maintenant. T'as déjà dit rarement. Ah, écoute, en même temps, c'est pas la vraie découverte de mon anus, c'est off. C'est pas moi. D'ailleurs, si je puis me permettre, il t'en reste un peu ici. Ouais, exact. Bah, on lui a déjà dit qu'il en restait un petit peu. De mon anus. Non, c'est du dentifrice. Non, parce que ça, c'était blanc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Je tenais juste à le préciser, c'est Laurou. Donc voilà, Toff, ça t'arrive à penser T'arrives à penser. Déjà, c'est une belle question. Ouais, attends, bah, arrête-toi là. Toff, est-ce que tu arrives à penser Voilà. Bah oui, puisqu'il pense là, voilà. Il essaye. Bah il essaye en tout cas. Non, mais sérieusement, est-ce que pendant que vous est-ce que tu t'es déjà demandé si les meufs elles pensaient à quelque chose ou si elles étaient concentrées que sur toi-même? Je m'en branle, tu sais. S'il est pas contente, elle reviendra pas et puis c'est tout. Attends. Oui, c'est un peu ça le souci, c'est qu'elles reviennent pas souvent. Ouais, c'est effectivement un petit peu ça le problème. Je suis sûr que dès que l'alcool retombe, elles doivent regretter. Ah mais attends, il y a pas que des meufs sobres. Enfin, il y a pas que des meufs bourrées qui couchent avec moi. Il y a des meufs sobres aussi. Ouais, et puis les aveugles aussi. Hein. Non, si voilà, je demande ça, en fait, c'est parce que j'ai une liste de ce que pensent justement les filles pendant l'amour. Avec Toff? Bah non, pas spécialement, non. Ah, j'ai dit qu'on a fait le tour de mes ex pour savoir. Non, pas avec Toff. C'est quand même incroyable. Vous savez que j'avais demandé à Pablo de me réimprimer la liste en plus gros parce que c'est trop petit. Il me donne le papier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des miettes de biscuits. Il y a des miettes de gâteaux. C'est grosse bouffe. C'est sur toutes les feuilles, c'est dingue quand même. Donc, alors, la liste que j'ai donc sous les yeux de ce que pensent justement les filles pendant l'amour. Sandro, tu me diras si ça m'est arrivé. Voilà, j'aurais mieux fait de boire moins, je n'aurais pas fini dans cette galère. Voilà, alors ça par contre, ça peut parler à Sandro. Hein. Non, pas du tout. Ah, je suis pas sûr. Non, mais franchement, beaucoup de filles, ouais. Jamais bourré. Jamais bourré? Bah non, je tiens pas debout. Bah, on te demande pas de tenir debout. Oui, en même temps, oui, je rentre souvent à quatre pattes, donc ça peut aider. Voilà, exactement. Le pire, c'est la meuf, c'est qu'il se sent obligé de se faire ramener par le mec, et qu'il y a plus la force tellement elle est bourrée de lui dire non, écoute, tu montes pas, je vais rentrer toute seule. C'est clair. Ou alors elle a peur, elle se dit bon bah tant pis, moi je vais le remercier comme ça, parce que sinon j'arriverai jamais chez moi. Ou alors donc si Sandro, toi tu penses pas la première, et tu penseras peut-être la deuxième, j'aurais mieux fait de boire plus, je n'aurai aucun souvenir de cette nuit. Ouais, ça ouais. Ah d'accord, ok, très bien. Un nom avec qui ça t'est déjà arrivé un prénom? Ah, c'est par rapport à un mec. Non, d'accord. En général, quoi. Bon, sinon, alors ça, par contre, alors ça, tu peux pas dire que ça t'est pas arrivé. Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Ouais, ça s'est déjà arrivé, ouais. La bonne odeur, juste quand le mec baisse son caleçon. Non, ouais, voilà. Il y a le peu de fouf. Ah oui, c'est vrai, il y a le peu de fouf. Ça sent pas un peu de fouf. Hein. Ah, bon, ça dépend. Avait. Ouais, c'est vrai. Bon, sinon, il y a aussi donc dans ce que les filles pensent pendant qu'elles font l'amour. Je crois que je vais vomir. Ah, ça c'est grave. Ah bah c'est quand t'es bourré ça. Hein. C'est une gorge profonde. Ou alors c'est que ça pue tellement sa race qu'il y a un moment c'est pas possible quoi. T'imagines la meuf elle essaye de faire la gorge profonde et au final ça va taper les amygdales au fond. Bah c'est comme ça hein, souvent. Oui mais généralement t'as les meufs elles arrivent à se retenir mais parfois. Le pire c'est quand t'as les meufs qui se la ramènent, tu vois, qui font oui mais tu regardes des films porno, oui. Et mais tu regardes les meufs qui avalent tout, oui. T'aimes ça, et bien regarde, elle essaye. C'est dégueulasse et pourtant. Elle y arrive pas. Ah, j'ai eu toute l'image en tête. Ouais, et le pire, c'est les petits morceaux qui vont rester dans tes poils de bite. Non, mais ça, ça sert à rien. Ça tu vois, je faisais une explication, et puis au final, t'es quand même arrivé avec de la merde. Non, comme question, chose que les femmes peuvent se dire pendant l'amour, il y a aussi, j'aurais su, j'aurais pas venu. Oui. Avec Toff. Ah oui, certainement, c'est clair. Et puis comme ça, une petite dernière, j'en ai d'autres, hein, je raconterai tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que ce slip? Ah ouais, ouais. C'est vrai. Mais ça doit arriver pas mal aux roues. Ouais, ça non, doit arriver. Franchement, ça c'est faux, parce que tant qu'on jouit. C'est oui, le principal, le slip, on s'en fout. Et enfin, en théorie, moi, perso, saute vite. Ouais, mais enfin, t'as pas le temps de le voir beaucoup, quoi. Ouais, le slip, ouais. Ouais, le slip, ouais, c'est vrai. Franchement, s'il le porte sur la tête. Bon, dites-nous, tiens, si les filles, si vous avez une idée, si vous vous souvenez de trucs auxquels vous avez pensé pendant que vous faisiez l'amour ou pendant que vous baisiez, hein, au final. Faut surtout pas que ça sorte, parce que t'imagines la meuf pas que ça sorte. Qui est en train de faire l'amour et qui se dit dans sa tête et qui le dit à voix haute. putain, demain, faut vraiment que j'aille faire des courses. Ouais, merde, mec. Alors, faut pas que j'oublie le beurre. Et le non, mais ça, c'est bon pour les plans d'un soir, en fait, ce truc. Parce que quand c'est ton mec, tu lui dis. Bah ouais, tu peux lui dire c'est quoi ce type. Hein. Parce ah que bah oui. Si t'habites pas avec et lui. Et puis s'il pue aussi, faut lui dire. Ouais, et puis après, s'il pue, faut lui dire, effectivement. Ah bah ouais. Oui. C'était déjà arrivé, toi, Sandro, de dire à ton mec qu'il pue sa race. Ouais, un ex, ouais, déjà. Va prendre une douche. Non, mais c'est pas. Enfin, ça peut arriver aussi, tu vois. Moi, non, si mais ça... qu'une, ça arrive une fois, c'est pas dramatique. Moi, si ça m'arrivait, j'aimerais bien qu'il me le dise, quoi. Si tu pues. Bah oui. Oui, oui, c'est mieux quand même. C'est mieux quand même, non? Bah c'est mieux pour le mec aussi. Hein. Non, mais c'est surtout... Après, c'est un supplice. C'est surtout quand lui dire. Parce que au moment où tu sais, alors tu lui dis, tu étais prêt à lui dire un cuni, la meuf elle est chaude comme la braise. Oh putain, ça pue sa mère. Bah dès que tu sens, faut lui dire. Si c'est ton mec, hein, je parlais, que vous parlez librement. Moi je pense. Mais ça peut casser le, délire. Je pense. Ah tant pis. Faut pas le dire avant parce que si t'as envie de te prendre un coup, bah ça va un peu casser le délire. Ça peut t'empêcher quoi. Si tu sens cette odeur. Tu peux le dire après, mais le problème c'est qu'après c'est trop tard. Et si tu le dis pendant, normalement le mec il a quand même envie de se finir, donc il fera abstraction du truc. Quoi. Ouais peut-être. Ouais. Bon, sinon peut-être. Un petit, on va finir ça sous la douche, ça passe toujours bien. Ouais ça voilà. Ça ouais ça oui ça c'est possible. Ouais. Bon bah dites-nous les autres, les filles, les mecs, 6-11-12 et dites-nous surtout les mecs. Si jamais ça vous est déjà arrivé, mais que votre meuf elle le dise tout haut, quoi. Ou alors les qu'est-ce qu'elle a dit. Ou alors les pensées des mecs. Ou les pensées des mecs, ça peut ça marcher dans tous les sens, évidemment. Donc 612, débutez votre message par énergie. Et puis vous mettez votre numéro de téléphone et la petite idée, bien évidemment. On dit crème dépilatoire et non pas crème Dépilation, il a dit, je crois. Qui a dit épilation? C'est moi. Ah ouais. D'accord, ah oui, on a pris des crèmes dépilatoires, effectivement, ouais. Bon, donc voilà, donc on en parle dans quelques instants, bien évidemment. On va faire le jeu, les amis, aussi. Et puis l'euro, bien évidemment, toujours au taquet de cette politique. Ouais, non, mais c'est une coïncidence, parce qu'on va encore parler de l'UMP, l'union majoritairement pitoyable, hein, depuis le libdo, là. Ah, depuis le clip, ouais. Dont on a parlé vendredi. Alors, j'ai regardé les chiffres. L'Elysée a dépensé 7,5 millions d'euros en communication cette année. Ouais. Dont 500 000 pour... Bah non, sachant que le clip leur a coûté, à mon avis, 3 francs 6 sous. Où est le reste? Il y a le site internet aussi qui a coûté cher, je crois. Sarkozy ou... Non, ensemble... Non, je sais plus. Marchons ensemble. Je sais plus lequel c'est. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, à mon avis, il a dû coûter cher pour pas grand-chose. Alors, en tout cas, le clip, ils ont pas mis d'argent dans les droits de la chanson, puisqu'ils ont fait comme la dernière fois, ils ont piraté, en fait, la chanson. Oh, c'est pas vrai. ils ont pas les droits, ils avaient pas le droit de ça va encore leur coûter cher, ça. Ouais. Ouais, ça va. Bah, c'est surtout un bel exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Regardez, nous sommes l'État, mais nous piratons les chansons. Bon, bref. En plus, 7,5 millions d'euros, pourquoi? Pour voir qu'au final, c'est Jacques Chirac, la personnalité politique préférée des Français. Qui est plus à l'UMP. Comme quoi, en France, les gens préfèrent ceux qui foutent rien. Bref, en fait, je voulais savoir un truc. Est-ce que ça vous a déjà posé ou est-ce que ça vous pose un problème que votre meuf ou votre gars n'ait pas les mêmes idées politiques que vous? Ah oui, ça on peut. Ah, ça dépend les idées quoi. Bah ça dépend, ouais, parce que si toi t'es. Ouais, voilà, si ta meuf ou ton mec il est pour le Front National par exemple, ou tu sais, un parti complètement barré, ouais, Amit Silo, il y en a un qui est pour le PS, l'autre qui est pour l'UMP. Bon. Non, ça fait chier personne. Bah moi je trouve ça génial, au contraire, de pas avoir les mêmes idées, parce que c'est au moins t'as des choses à dire, raconter à débattre avec ton mec, ouais. Quoi. Surtout si ton mec est, ou ta meuf était un peu virulente et elle croit à fond à son truc et elle n'est pas du tout ouverte au plan d'en face, alors c'est la guerre. Ouais, là c'est chiant par contre. T'as vu, hein, il a encore fait strat, ton espèce de merde là de président, hein. Alors si c'était l'autre qui était passé, on n'aurait pas eu de problème. Par contre là, t'as parlé de l'UMP là. Pas forcément. Ah, le président, il n'a pas 10 000. Oui, enfin bon, ça aurait pu être n'importe quel, ceci est un exemple. Bon, pour ceux qui ont un problème avec ça, vous pouvez aller sur... C'est vrai, hein, c'est vrai ce que je vais vous dire. www.droite-rencontre.com. C'est un vrai site. C'est un site de rencontre? Ouais, c'est pour expulser les sans-papiers en amoureux. Alors, non, mais c'est pas ça, mais il y a vraiment écrit au moins vous avez un point commun. C'est écrit sur le site. Faux, ouais. Donc ça existe aussi ou gauche-rencontre.com. Ah, c'est malin. Alors ça, c'est pour faire. Bah je sais pas, parce que je sais pas ce qu'ils font la gauche. Bon, on sait pas si c'est une vanne ou si Royal et Hollande sont vraiment rencontrés sur ce site. Ça, en fait, je pense surtout que c'est un mec qui fait son buzz, mais tapez-le www.droite-rencontre.com. Les deux sites sont exactement pareils, donc déjà c'est la même société qui le fait. Ouais. Comme par hasard, sur le site de la droite, les gens qui sont, enfin les gens en photo ont les yeux bleus, ouais. Pas sur celui de la gauche. Comme par hasard. On va trouver quelque chose. C'est ça. Ouais. Et il y a plein de choses en ce moment, j'ai vu, qui étaient déclinées en UMP ou en PS. Et on pourrait en inventer d'autres. Alors on avait pensé au Karcher UMP. Ouais, ça peut être pas mal. Les charters UMP Air. La pilule de contraception ou ceinture de chasteté Parti Socialiste pour Dominique Strauss-Kahn. Et la poubelle PS pour ranger les idées. Oh. Écoute, pourquoi pas, oui. Et on a même trouvé le jeu vidéo. Alors, est-ce que vous connaissez la pub de FIFA 10? Oui. Vous l'avez vu à la télé, pour ceux qui connaissent pas, on l'a quand même... 10 millions de roulements de tambour. 10 milliards de regards. 10 millions de coups d'envoi. 10 millions de censures du Barça. 10 milliards de Rooney, Mandanda, Benzema. FIFA 10. Comme le football est grand, EA Sports, c'est la game. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu ou a vu cette pub à la télé. Et du coup, bah, on a trouvé le jeu vidéo de droite qu'on peut aussi offrir, à Noël. Très bien. Voilà. 10 millions de retours au pays. 10 milliards de caméras. 10 millions de tirs de flashball. 10 millions de contrôles d'identité. 10 milliards de lip-dub à la con. Plus populaire que Jean-Pierre Pernaut. Je vous le rappelle en direct sur TF1. Plus français que les Auvergnats. Plus flippant que Paranormal Activity. Plus relou que Zemmour. Oui, c'est intéressant, je pensais à une phrase qu'aimait bien Chirac. 10 milliards de Marseillaises. 10 millions de Karcher. Vous avez un site, c'est bande de racailles. De charters pleins. 10 milliards de Bernard, Jean-François, Charles-Henri, UMP 2010. Comme la France est grande. EL Sport. Élysée Games. Voilà, oui, bah c'est vrai que ça peut. On pourrait leur proposer, hein. Ouais, tu sais, tu pourrais augmenter les impôts sans raison pour te payer des yachts. Ouais, non, ou... des avions. Ou des avions. Un nouvel avion, le nouveau Air Sarco Sarco One. C'est pareil, tu auras un GTA où tout est clean, tu vois, tout est. Ouais, espace réa. Non, franchement, ça peut être. Et sinon, pour le foot, ouais, le PSG, puisque Nicolas Sarkozy est fan du PSG qui gagnerait la Champions League. D'ailleurs, on le transformerait en UMP. Ouais, le PSG. Oh non, arrête tes conneries. UMP Club. Oh, quelle horreur. FC UMP. Oh. Et si devait faire ça pour le PS, il y aurait quoi dedans? Ça. 10 millions d'élections perdues. 10 milliards de courants. 10 millions de luttes internes. 10 millions d'universités d'été. 10 milliards de désillusions. Plus conquérant que les bisounours. Plus stylé que Susan Boyle. My name is Susan Boyle. Plus convaincant que Van Damme. Van Damme is back. Plus inventif que Luc Besson. On a toujours le choix de ne pas l'acheter. 10 milliards de bravitude. Qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. 10 millions d'éléphants, de traîtres. Je suis socialiste. 10 milliards de liberté, égalité, fraternité. PS 2010. Comme la France est seule. IG Sports. En galère games. Voilà. Non, mais ça aurait pu être pas mal aussi, cela dit. Hein. Ouais, ouais. Oh, évidemment, c'est différent. Bah, à mon avis, tu fais plus vite le tour de PS 2010. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais, vrai. Il a l'air plus marrant à jouer. Ah, ne pas confondre avec PES 2010. Ah non, rien à voir. Attention. Ah, ça n'a rien à voir. Attention. Donc, c'est là où on disait PS. Hein. Oui, PS. Voilà, donc pas PES, bien sûr. Une durée de vie de 2 heures, le jeu. Oui, que tout soit clair. Bon, on parlera dans quelques instants encore du dossier dont on a parlé il y a un petit quart d'heure, là. C'est-à-dire, à votre avis, que pensent les filles, justement, pendant l'amour? Et Dieu sait qu'il y a pas mal de messages que j'avais vus sur le site et surtout pas mal de réactions par SMS aussi. 612, un SMS qui est arrivé qui dit: je suis tombé sur une fille, une fois elle puait de la chatte et jamais pu coucher. C'est Denis qui avait envoyé le message. C'est ballot. Attends, moi c'était bon, il a bientôt fini, je voudrais bien me coucher. C'était le matin après avoir bu et l'avoir déjà fait le soir aussi. Ou alors, où est-ce qu'il essaye de me la mettre? Oui, après ça c'est surtout au début, tu sais, quand t'as pas l'habitude, tu sais pas très bien à quoi correspond quoi. Ouh, il y en a qui ont l'habitude et qui galèrent encore. C'est comme une voiture, parfois tu prends le pistolet, c'est pas, tu mets du diesel, tu mets de l'essence. Ah, t'as encore fait une comparaison entre une bagnole et une femme? Non, si. Ah bah non, là en l'occurrence j'ai plutôt comparé le pistolet. Ouais, non, le pistolet c'est le monsieur et la voiture c'est la femme, voilà, hein, voilà. Dans ton exemple. Ah oui. Ah oui, mais ah oui, donc t'as comparé la femme et la bagnole. Bravo. Bah non, parce que t'as pistolet, c'est pas du diesel ou essence. Ah bravo. Ouais, c'est ça. Allez, va te brosser les dents. Franchement, c'est pour tous les retards, tu peux bien le faire deux fois de suite. Hein. Ça te fera pas de mal. Oui. Vraiment. Souffle un peu dans la tête de toi pour voir. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ça change. C'est, hein. C'est mec d'habitude ou pas? Ah Tom, oui, vas-y, oui. De côté. Non, je te crois. Ah bon. C'est dommage. Bon, alors on va jouer au jeu des amis maintenant avec Aurélie qui est là, 24 ans, oui. Du 94. Salut à toi, comment ça va Aurélie? Salut, bah ça va. En pleine forme? Ouais, nickel. Bon, bah tant mieux. Sois c'est la cool, bien. T'es pas bête, t'es pute bonne toi. Comment? Elle est bonne. T'es cool, t'es pas bête et puis t'es bonne, toi. D'accord, ok. Cool, t'es pas bête et puis t'es bonne. Ouais, putain, tu comprends. Ouais, bah, c'est un miracle. Hein. Oh la vache. C'est pas mal. Hein. Bon, Aurélie, 24 ans, nous allons donc jouer au jeu des amis. On va donc appeler une de tes connaissances. Il y a qui? Carla, Dakila ou Anthony? Et tu veux qu'on appelle qui? Bah, ma meilleure amie, Carla. Carla, très bien. Allez, appelons Anthony. En plus, je vois que c'est ton ex, c'est parfait. Aïe, va falloir balancer. Mais non, pas forcément, ça n'a rien à voir. On va vérifier, on va vérifier. Ça fait combien de temps que c'est ton ex? Ça fait quelques mois. Parfait. Mais dis donc, c'est toi qui fumes le cigare? Elle fumait le cigare. Enfin, tout dépend quel cigare. Oui, c'est ça. Allez-y, faites une vanne mieux que celle-là. Allez-y. C'est pour toi. Hein. Oh, c'est le répondeur. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. C'est quoi ce répondeur? Qu'est-ce que ça? T'as bien fait de le quitter, hein. Yes. On dirait le c'est qui? C'est Corneille. Anthony n'est pas joignable. Oui, on a remarqué qu'il n'était pas joignable. Ah, c'est ça. Voulait, c'est juste qu'on voulait écouter son répondeur. Bon, d'ailleurs, en parlant de choses bizarres de musique, on a toujours le c'est qui, hein, bien évidemment. Et tout à l'heure, l'interview exclusive d'un grand artiste. Je vous en parle dans quelques minutes. Ça va durer combien de temps? Écoute, ça aura peut-être dû déjà être fini. Allô, Carla. Ouais. Salut Carla, c'est Mickaël. T'es en direct à la radio sur Énergie. Ça va? Oh, du bar. Bon, je t'appelle pour... Ça va, ça va. Je t'appelle pour le jeu des amis avec Aurélie. Oh, la folle. Ouais. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Vas-y. Si tu réponds bien, 6 sur 10, c'est gagné. Il faut répondre du tac au tac. Et si tu ne sais pas, tu passes. Ce sera donc considéré comme une mauvaise réponse. On y va avec nos candidats maintenant. Ben, attention. Une seconde. Une seconde. J'ai quand même le temps, là. Ça va. Vas-y, prends ton temps. Voilà, on peut y aller. Allez, c'est parti. Attention, première question, une minute. Top, quel est son dessert préféré? Moelleux au chocolat. Bonne réponse, oui, c'est juste. C'est ce qu'elle a répondu. Exactement. Quel est son plat favori? Paella. La quoi? La paella. Ah, la paella. Oui. Sur quelle star internationale est-ce qu'elle est en kiff? Céline Dion. Céline Dion. T'as un problème, toi, Aurélie. Hein? Bah non, il en faut pour tout le monde. C'est Aurélie. C'est Céline Dion. Oui, c'est la bonne réponse. Ouais, pour Aurélie. Bah, attends, oh. C'est pas comme s'il était bonne, quoi. Je voulais que je vous chante ou quoi? Non, elle est là, par contre. Ah oui, monsieur, monsieur, t'as bien répondre, hein. Je te casse ta gueule, sinon. Vas-y, chante. C'était parfait. Bon, allez, question suivante. Quelle est sa position sexuelle préférée? Là, le vrai, voyons. Comment tu sais? Tu mets parfois... Parce que je l'ai prise, non, je rigole. Ah, tu mets parfois un petit goût de ceinture, alors, si j'ai compris. Non, je décale. Messieurs, dames, on est sur un très gros dossier. Ouais, on est sur un très gros dossier, je te confirme, ouais. Deux belles cochonnes. Bon, quelle partie du corps l'attire le plus chez un homme? Bah, les fesses. Les fesses, effectivement. Quel est son plus gros défaut? Elle est casse-couille, elle est capricieuse. Ouais. Elle est vulgaire aussi. Hein. Quelle est la personne qu'elle déteste le plus? La personne qu'elle déteste le plus? En dehors de toi. Top, trop tard, Nicolas Sarkozy. Ah bah oui, je suis con, mais ouais, moi je crois que c'était quelqu'un en vrai dans la vie. Bah c'est un vrai, il est vivant ton président, tu sais. Hein. Non, bon. Non, il est faux. Dans quelle matière scolaire a-t-elle le plus nul? Enfin la plus les nulle. Les maths. Bonne direct. Réponse, très voilà. Bien. Qu'est-ce que je dirais encore? À quoi est-ce qu'elle est allergique? Rien. T'es sûr? Ouais, rien. Très bien, bonne réponse. Et enfin la petite dernière, quel est le nom de sa revue préférée? Public, voyons. Public. C'est gagné. Ah, tu connais. Putain, elle s'en fout. Tu savais beaucoup de choses. Non, 9 sur 10. Ça fait 18 ans que je la supporte tous les jours au quotidien. Que je la supporte, c'est un exploit pour ouais, elle. C'est ça, elle est gentille, elle est gentille. Bah, ça veut rien dire. Ouais, elle est gentille, ouais. Te casse pas, on a compris. Hein. Ouais, une brave fille. Ouais, non, elle est gentille. Oui. Non, elle est brave. Elle est brave. Bon, Aurélie et Carla, je vais vous repasser le standard, bien entendu. Et puis, vous gérez le cadeau avec Micha, d'accord? Ah, oh, super, nickel. Salut merci. À vous. Ciao, bisous. Allez, à tout bientôt. Monde. Ciao, bye bye. Bon, et puis si vous voulez jouer au jeu des amis, n'hésitez pas à vous inscrire, bien évidemment. Vous faites le 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez ami avec votre numéro de téléphone ou alors sur mikael.fm. Merci les gars. De rien. Voilà, et puis on va revenir dans un instant. Allez, avec l'interview là. Pourquoi? fait ça. Voilà. Sans pourquoi. Nous l'aurons dans quelques instants au téléphone. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as dit pas ça. Ouais, je sais que c'est pas là qui le dit, mais. Tu m'as fait blesser. Alison. Pourquoi tu fais ça? Mon bébé, pourquoi tu fais ça? Tu m'as blessé trop. Alison. Voilà, on l'aura wallé tout à l'heure en interview par téléphone. Donc ne bougez pas de là. On revient également avec vous toutes et vous tous. Les 1000 euros qui peuvent tomber à tout moment. Restez bien à l'écoute. Ça peut arriver peut-être pendant ou après cette pub-là. Tiens. Mickaël, le podcast. Alors à Sébastien et Ambre dans un instant pour parler de ce à quoi pensent les filles justement pendant ou avant l'amour. Alors il y a un message qui est arrivé par SMS au 612 en débutant par énergie. Je pense aussi au prochain mec que je vais me faire. C'est lui, Livine. Ah ouais. C'est une idée comme une autre. C'est ça, que la meuf, elle a pas fini de se faire troncher par le premier, que déjà elle est sur le suivant. Voilà, ça se trouve, elle en a vu deux en boîte, elle a pris le premier, elle se dit bon, demain j'y retourne ou la semaine prochaine. Ah, bah, je vais essayer de me pécho l'autre, tu vas voir, ça va être cool quoi. Oui, mais après elle va se plaindre qu'elle prend pas de plaisir. Ah ouais, ouais, ouais, parce qu'elle y met pas du sien aussi. Hein. Ah non. Bon, mesdames et messieurs, vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander d'essayer d'avoir Walid. Walid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a chanté ça, entre autres. Pourquoi tu fais ça? Alison, pourquoi tu fais ça? Tu m'as fait blesser, mon amour. Voilà, et donc nous avons un autre, on a l'autre bout de la chanson. Tu sors avec Chris, tu m'as dit pas ça. Tu sors avec nouvel amour de toi. Alison, pourquoi tu fais ma ça? Voilà, donc ça c'est Walid. Et donc on a Walid au téléphone. Salut Walid. Bonjour. Comment ça va? Salut. Ça va bien. Salut bon. Walid. Alors, on va vous. D'habitude on parle vite. Donc on va essayer de parler un petit peu plus doucement parce que comme tu parles déjà pas mal français. Oui, ça va là. C'est déjà bien, mais tu parles pas comme nous le français aussi bien, donc on va parler moins vite. Ouais. Bon, Walid, t'es où? T'es en Algérie là? Oui, j'habite en Algérie. T'es où ça en Algérie? On s'est déplacé à Bœuf. Ah bah oui. Et c'est plutôt en haut, en bas? C'est où tu dis? Oui. Mais c'est tout près d'Alger ou pas? Non, je parle en CDB à Bœuf. Ah, c'est doit être un... La langue. Ah, d'accord, ok, très bien, d'accord. Mais tu habites tout près d'Alger ou pas? Non, je prépare Alger. T'es pas tout près d'Alger? Oui, c'est dans l'Algérie. CDB à Bœuf, c'est une wilaya dans le est de... Dans l'est. Le est de l'Algérie. D'accord, ok. Bon, alors, Walid, qui est Alison? Alison, c'est ma copine de passé. D'accord, c'est ok. C'est ton ex en fait. Ouais. Et c'est elle qui t'a quitté ou c'est toi qui es parti? Non, moi j'ai premièrement dans le début je vois les mouches marières avec elle et moi qui fait ça. Mais avant ça j'ai la voir elle marche pas bien. C'est-à-dire quoi? Parce que elle a été voir, elle a été avec d'autres garçons? Non, Alison, c'est une fille, elle sort avec Chris. Mille garçons. Ah, d'accord. C'est une salope. Après Chris, elle sort avec nouvel garçon et l'appelle Joanne. J'ai vu ça dans. D'accord, mais toi, tu l'as connue où? Sur Internet? Non, oui, sur l'internet. Et c'était ta copine sur internet? Sur internet, oui. D'accord, et après t'as vu ses photos, machin, où elle était avec d'autres mecs? Oui, c'est mon métier, je fais des vidéos et j'ai chanté. Et alors, elle habite où, elle, Alison? Elle habite en France, en Algérie ou ailleurs? En France, elle est française. Et tu sais si elle a entendu cette chanson? Alison, oui, elle a entendu cette chanson. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne changera jamais. Elle changera jamais, ouais. Ah, elle changera jamais, ouais. Ah, d'accord. Et alors, Attends, on va pas te cacher que nous, ce qui nous a fait. Moi, ce qui m'a fait marrer, en tout cas, c'est l'accent. Tu vois, c'est comme tu chantais avec l'accent d'Algérie et avec des mots que tu faisais. Mais cela dit, on a compris. Ouais. Et c'est le principal, ouais, de se faire comprendre. On comprend que tu l'aimes et que tu veux qu'elle revienne. Voilà, en tout cas. Au début, quand j'ai vu le clip, je pensais que c'était un sketch, vraiment, quoi. Enfin, elle pensait que c'était pour rire, quoi. Elle pensait que c'était juste une. Bah, de la façon dont, c'est, dont le clip a été tourné, en tout cas, c'est vraiment. Je me suis dit, ouais, c'est un mec qui se marre, quoi. En tout cas, on t'a retrouvé sur Facebook, donc ça c'est cool. Et est-ce que tu pourrais nous envoyer la chanson, mais avec une meilleure qualité en MP3 ou quoi, non? Oui, je préfère. Ah oui, bah nous aussi. Hein. Ah bah nous aussi, comme ça. Et alors, on a entendu aussi sur internet que t'avais fait une chanson avec la musique des My Love. Des Black, c'est quoi, Justin Timberlake, c'est ça. Ouais, Justin Timberlake. Tu l'as celle-là en MP3 sur ton ordinateur? Oui. Ah, tu pourrais nous l'envoyer? Mais non, mais moi qui je chante, c'est pas Justin Timberlake. Ah oui. Non mais ça on le trouve. Non mais ceci dit, ouais, Walid chante aussi en algérien et pour le coup, voilà, il chante vraiment. Ah ouais. Ouais. Là on se marre parce que c'est la façon de, enfin les mots comment mais ils sont. Bien sûr. Mais tu sais, Walid. Oui. Si tu peux m'envoyer la chanson complète avec un bon son, je la mets en entier. Ok, pas de problème. D'accord. Non, attends, moi j'ai un logiciel pour faire des chansons. D'accord. Mais cette chanson My Love, ouais. J'y trouve pas. Tu l'aimes pas trop, toi? Oui, le logiciel pour faire la qualité de son de cette chanson. D'accord. Fais-nous une exclusive pour nous. Ouais, fais comme tu mais, peux. Mais il y a une autre chanson de My Love, une nouvelle chanson. J'ai la transformée. Très bien. Je pensais hier. Mais tu vas mettre des paroles françaises dessus ou pas? Non, des paroles arabes. D'accord, ok. Bon, envoie-nous tout. Et puis après, on écoutera, d'accord? On prévient quand même tout le monde. Okay. Quand il chante en arabe, forcément, c'est moins drôle puisque pour le coup, oui. Il fait son métier. Voilà. Enfin, le métier qu'il aimerait faire, en tout voilà. cas. Voilà, en gros, c'est ça. Il chante bien, il a une bonne voix. Eh, Walid, oui. Est-ce que tu viens parfois en France? Mais comment, j'ai pas des moyens. T'es jamais venu, toi, t'as pas. Ah non, jamais. T'es jamais venu en France? Ah jamais. D'accord. Bon, il faudra qu'on essaye d'arranger un passage à l'occasion quand tu viens ou quoi. Il faut que tu viennes à la radio pour que tu chantes en direct. Moi, je suis venu pour venir chez France. D'accord. Eh ben, y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, okay. Walid. Un petit coup d'a cappella peut-être. Hein. Merci beaucoup. Ouais, je voulais faire un polo show. Bah, tu fais après. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, bon, un petit bout de chanson là. Walid, est-ce que tu peux nous faire en direct, bon, sans la musique et tout ça, un petit bout de la chanson d'Alison au téléphone. Ok, pas de problème. Alors, vas-y. Je t'aime, Alison. Très fort, très fort. Je peux pas rester sans toi, mon amour. Parce que tu sais que je t'aime très fort. Pourquoi tu fais ça? Alison, pourquoi tu fais ça? Tu m'as fait blesser, mon amour. Pas mal. Mais c'est quoi, c'est vraiment, ça te rentre dans le crâne. Ouais, grave, mais c'est fou, ouf, hein. Quoi. C'est fou. Bon, Walid, en tout cas, un grand merci d'être passé à la radio avec nous. Je vais te repasser Micha qui t'a téléphoné tout à l'heure, d'accord? Ok. Pour avoir les MP3 et tout ça. Merci beaucoup. Bah, de rien, merci Walid. À toi d'être passé, de le prendre à la rigolade comme nous et on te souhaite en tout cas de réussir. Bonne chance, Walid, à bientôt. Merci. Salut Walid. Ciao. Alors Sandro, c'est bien parce que c'est sur la dernière minute qu'il s'est dit ah putain, il faut que je parle pas trop vite. Ouais, alors tu vois, moi j'ai pris un sketch. Non mais comprenez. Oui, j'espère. Non. Je sais pas. Ouais. En tout cas, il a bien fait semblant. Ouais. En tout cas, ouais. C'est cool. Ce serait un bon invité. Il pourrait aller en invité dans n'importe quelle émission. Ah, il pourrait, ouais, c'est vrai. Bon, voilà, donc c'était Walid dans l'interview. Je vous avais promis qu'on essaierait de faire le maximum pour l'avoir. Et finalement, on l'a retrouvé. Sans fleurs, j'ai tant de sang avant hier. Et ce qui va être énorme, c'est que quand on va voir le son en bonne qualité, oui, et qu'on va le mettre. Ouais, okay. Non, mais là c'est parce qu'il l'a mis sur YouTube, donc tu sais, le son est pas terrible. Mais s'il l'a fait chez lui en MP3, il l'aura en bonne qualité. J'aimerais bien qu'il y ait un mec de maison de disque qui entende ça et qu'il se dise, ok, on va la faire. Eh mec, ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Je connais ici qui est capable de le faire. Ah ouais, Non, ça peut être énorme. Non, mais celui qui fait ça, vraiment, il aura tout compris pour le coup, parce que la musique, c'est ouvert à tout et à tout le monde. Ah oui. Non, mais sérieux? Oui, mais franchement, bon, regarde, tout le monde la connaît, tout le monde la chante cette chanson. Non, pourquoi ça sortirait pas? Je dis pas, mais quand tu sors un morceau, faut que tu comprennes les paroles. Bah là, il comprend. Mais là, non, mais ça serait, c'est sortir de la musique en intégrant. C'est une vanne, oui, de la drôlerie. Voilà. Bon, franchement, en tout cas, on comprend pas toujours tout dans des chansons qui passent à la radio. Là. Ouais, c'est vrai. Donc, on verra bien, cela dit. Mais en tout cas, quand je l'aurai, je la mettrai en entier. Mickaël, le podcast. Cette semaine, dans le magazine de la santé sur France 5, Michel Simès et Marina Carrère d'Encos, vous voyez, voilà, parlaient de carottes. Ils expliquaient que le fait de manger beaucoup de carottes pouvait changer la couleur de certaines parties du corps. Eh bien, on peut croquer une carotte, donc voilà. Mais ça rend pas aimable. C'est pas la peine. Et les fesses roses, c'est à cause du carotène? Alors, les fesses roses, c'est pas trop les fesses roses, c'est à cause du bêta-carotène, mais c'est plutôt la moustache, la paume des mains. C'est aussi, mais pas trop les fesses. Hein. Non. Non. Et c'est pas les cuisses non plus. Non, ni les cuisses. La peau des testicules. Les testicules, oui. Oui. Ah. Ça rend les testicules roses. C'est moins facile à dire ça. Manger des carottes, ça j'hésitais à vous le dire. Ah, n'hésitez pas dans cette émission, vous y allez. Ah, eh, mangez des carottes pour avoir les couilles roses. Non, ça rend les couilles aimables. C'est vrai. Bon, ensuite ils ont dévié sur les gens qui mangeaient exclusivement qu'une seule sorte de fruits ou de légumes, et donc forcément ils pouvaient pas passer à côté d'une black foireuse. Il y en a qui font des cures de raisin pendant une semaine. Oui, il y a eu tout, il y a eu l'ananas, il y a eu plein de choses. Il y a eu des cures d'étoffe comme ça, il y a eu l'ananas, il y a eu la papaye, il y a eu le... Pourquoi pas la carotte? Il y a eu des tas de... Il est tout le temps... Ah non, sans ça. Il est tout le temps en train de faire des vannes. C'est dingue ça. Et donc la semaine prochaine dans le magazine de la santé, Michel et Marina vont présenter une spéciale sur les faux ennemis de la santé. Et comme c'est les fêtes, l'émission a été enregistrée, donc j'ai réussi à me procurer le sommaire de cette émission, écoutez. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de la santé. Bonjour Marina. Bonjour Michel. Vous savez Marina, je me suis toujours demandé pourquoi dans le mot santé, il y en avait un. Quoi ? Comment se fait-il que dans le mot santé, il y en a un de thé ? C'est pas logique. Ah oui, d'accord. Et si on passait au sommaire de l'émission ? Bonne idée ! Alors, aujourd'hui, il s'agit d'une spéciale sur ce qui est bon pour la santé, mais qu'on ne soupçonne pas. Alors, par exemple, saviez-vous que le champagne est bon pour votre cœur ? Oui, c'est bon pour le cœur, mais pas pour le cul. Non, je dis ça parce que j'ai un ami urgentiste. Vous verriez à Noël toutes les bouteilles de champagne qu'il a retrouvées coincées dans le... Oui, c'est bon, merci Michel, on a compris. En tout cas, si jamais vous décidez de le faire quand même, un conseil, videz la bouteille d'abord. Premièrement parce que quand on est sous, ça fait moins mal. Et comme ça, au moins, elle risque pas de sourire à l'intérieur. Et vous risquez pas de vous retrouver avec un bouchon en liège à la place des ovaires. Oui, donc je continue. Donc, ce sont des chercheurs britanniques qui ont mis le doigt sur une vertu du champagne. Ils ont mis le doigt sur une vertu ? Merci Michel, pas de commentaire. Ils ont donc découvert que le champagne contient du polyphénol qui soulage la pression sur le cœur et le cerveau. Ah, deuxième bonne nouvelle pour les bourses un peu plus légères. Michel, vous allez arrêter avec vos illusions sexuelles, oui. Ah, mais je voulais juste dire que les polyphénols ne sont pas réservés aux marques les plus chères. Le cava, par exemple, qui est moins cher, en contient aussi. Par contre, je vous conseille d'éviter les polyphénols corses. Ça fait mal aux oreilles. Ouais. Deuxième dossier de cette émission. On reste dans les boissons qui sont bonnes pour la santé. La bière. À ne pas confondre avec la mise en bière. En général, quand on en arrive là, c'est qu'on n'est pas en très bonne santé. La rumeur qui veut que la bière foncée soit particulièrement bonne pour la santé est vraie. Servez une bière foncée comme la Guinness à vos amis quand vous les recevez et vous les garderez plus longtemps. En parlant de Guinness, Marina, vous savez que je détiens le record du monde 2009 du plus beau rot de bière. Vous voulez que je vous montre ? Non, ça va aller, merci. Mais ça sent pas la bière là. Ah non, on n'a pas le droit de boire dans le studio. Alors j'ai fait avec ce qu'il y avait, les échantillons d'urine de l'équipe. Alors troisième sujet ce soir Michel, quel est-il ? Le mariage, c'est bon pour la santé. Ah non, pas là, c'est pas une blague. C'est la conclusion d'une étude internationale qui a montré que la relation maritale contribuait à réduire les risques de dépression et d'anxiété. Ah, comme quoi tout est lié. La pression, c'est bon pour la santé, et le mariage, ça évite la dépression. C'est drôle, non ? Ouais. Cette enquête a porté sur un échantillon de 34 500 personnes dans 15 pays. Et elle démontre qu'être séparé, divorcé ou veuf accentue les risques de problèmes mentaux. Oui, mais être célibataire, ça accentue surtout les risques de problèmes sexuels, hein. Allez, le sommaire est terminé. On commence de suite ce magazine de la santé avec un dossier sur un sujet méconnu, les mycoses végétatives. Ou comment éviter de choper des champignons dans sa pizza aux légumes. Oh, oh ben bah on va se marrer, hein. Ah putain. Ah ben bah Michel Simès, hein, le, ah bah le tout... roi du calembour. Ah bah, ah bah... si Michel Simès, on n'est pas arrivé. Il faut sortir de là maintenant. Hein, c'est fini. Voilà, le rôle est arrêté. Voilà, c'est terminé maintenant. Bon, on revient dans quelques instants et puis on parlera avec notamment Sébastien, 32 ans, qui est là d'Avignon. Salut Seb. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Comment ça va? Salut. Bah écoute, ça va bien. Bon, on va parler dans un instant de ce que les, ce que pensent justement les filles pendant l'amour. On en parle depuis tout à l'heure. Il y en a pas mal, notamment avec Ambre dans un instant qui donnera son avis. J'en ai lu tout à l'heure parce que j'en ai trouvé sur internet des filles donc qui disaient, en règle générale évidemment, j'aurais mieux fait de boire moi, je n'aurais pas fini dans cette galère. Je crois que je vais vomir. Mais qu'est-ce que c'est que ce slip? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Ou encore, j'aurais mieux fait de boire plus, je n'aurais aucun souvenir de cette nuit du coup. J'en ai d'autres qui arrivent dans un petit instant, notamment ça m'apprendra à avoir pitié. Ah, c'est horrible. Alors ça c'est la meuf pire qui baisse par pitié. Alors, ça faut pas le dire. Ah non, c'est la pire des violences toi. Bon, et Sébastien, et toi en gros, juste un truc comme ça sur lequel t'es tombé. Est-ce que tu c'est une meuf qui a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas ou c'est toi qui as une pensée, dis-nous? Moi c'est plutôt une pensée, mais c'est pas, je pense pas à autre chose, je pense plutôt à quelqu'un d'autre en fait. Ah c'est sympa aussi ça. Bon bah tu nous racontes ça dans un instant, d'accord? Pas de problème. Ne bouge pas de là. Eh bah dis donc. Mickaël, le podcast. Sébastien toujours qui voulait réagir à ce que pensent les femmes pendant l'amour. Donc on avait eu ça m'apprendra d'avoir pitié, donc ça c'est ce qu'elles pensent. Ce qu'elle pense en règle générale, c'est ce qu'on a vu sur internet, c'est pas non plus une généralité évidemment. Mais ça c'est la meuf qui en fait qui s'est fait saouler par le mec, qui l'a dragué toute l'après-midi, qui au bout d'un moment dit bon allez viens on va baiser. Voilà, donc ouais, ça mais c'est une meuf faible hein, pour moi. Ça m'apprendra à avoir pitié effectivement. Il y a aussi le oh qu'il en finisse et vite. Très vite. Oui, ça doit arriver. Ça, c'est quand le mec. C'est quand le mec est vraiment mauvais. Est vraiment mauvais. Ouais. Non, ou même des fois t'as pas envie, hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin bon, à ce moment-là, fais pas quoi. Tu sais, c'est un truc que t'es censé faire à deux. Tu veux pas oui, faire comme ça. Mais c'est pareil si ton mec, voilà, il te prend la tête. Tu sais quand la meuf, elle est, enfin, la meuf elle voit le mec, le gars il est à fond et tout machin. Ah là là, pauvre gars, t'es à fond, je sens rien. Ouais, ça m'arrive souvent ça. Ouais. C'est du vécu, hein. Ah bah apparemment oui. Bon, et donc Sébastien. Oui. Seb. Alors, donc concrètement, toi tu nous disais que t'avais déjà eu toi des pensées pendant l'amour, justement, un peu comme les filles mais en tant que mec. Ouais, mais justement de plus en plus souvent, malheureusement. Alors vas-y, explique. Bah en fait, bon, au début, tout était beau, tout neuf. Et maintenant, quand je fais l'amour, je suis obligé de penser à quelqu'un d'autre, à une fille qui me fait kiffer. En fait, je pense à Megan Fox. Ah ouais. Ah, t'as une tu penses à Megan Fox. Elle lui dit pas. Non, mais attends, encore... c'est ta meuf. C'est parce que t'es lassé. Bah, c'est ta meuf ou pas changer. Oui. D'accord. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ah bah, les enfants, son corps a changé. Mais trompe là, comme toutes les meufs. Et malheureusement, enfin bon. Elle la gêne pas. Pardon. Non, je dis elle la gêne pas pour te tromper. Non, mais pas forcément pour te tromper, mais elle pense peut-être à d'autres. Et alors, c'est pas dramatique d'avoir des fantasmes. Peut-être qu'elle pense à quelqu'un d'autre ou à autre chose aussi en même temps. Ah, c'est glauque. Non, mais attends, combien de gosses vous avez eu? 4. Ah oui, quand même, oui. Enfin, elle ressemble à Megan Fox, elle, à la base. Non, mais elle était mieux foutue. Je vais dire que maintenant, bah oui, mais... avec 4 bon. Enfants aidants, vous en faites sport un peu. Non, mais vous en faites un. Moi, je connais plein de meufs. Elles ont eu un gosse et elles sont toujours très bien. Deux, bon. Bon, évidemment, si après t'enchaînes et que tu fais une usine, bon, bah évidemment, après t'as des séquelles. Hein. Ah oui. Mais moi, je trouve pas que ce soit un problème physique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est la façon dont, enfin, si. En gros, c'est pas facile. Elle recommence. Allez, vas-y. Si elle le fait pas bander, c'est qu'elle ne lui, elle n'en a pas envie. Mais non, mais si elle est plus aussi bonne qu'avant. C'est l'envie, c'est dans la tête. Si tu sens que ta meuf elle est chaude comme la braise, si t'auras une érection. Oui, mais là tu penses en tant que meuf, pas nous. Ouais, parce que c'est ça. Une vieille de 80 piges, elle aura beau avoir envie de m'exciter, ça montera pas. Ouais, bon, ça semble prendre un extrême de ouf. Ah, mais après, voilà, si une meuf t'excite pas et te plaît pas physiquement, bon, bah voilà. C'est, ouais, je sais pas, je trouve que ça se travaille et que c'est aussi surtout l'ambiance qu'il y a autour et il y a un conditionnement. Oh non, ça... je t'assure. Non, si, je suis d'accord avec elle sur le quand c'est une meuf avec qui t'étais depuis longtemps, machin et tout, c'est juste qu'en fait tu t'es lassé de et qu'elle fait plus d'efforts. Oui, mais ça je suis d'accord. Mais là quand il dit que son corps ne lui donne plus envie. Hein. Il insiste sur le fait que qu'elle a eu des gosses, ouais, qu'elle a eu beaucoup de gosses et que depuis Plus élastique la meuf après. Hein. Et donc tu lui as jamais dit ça que tu penses à quelqu'un d'autre? Non. D'accord, ok. Oui, En même temps, dis-lui qu'il y a un moment, il faut faire de la chirurgie si tu veux, si elle veut continuer à être baisée, quoi. Du sport. Ouais, ou du sport. Ouais, mais c'est vrai. C'est quoi son problème en fait? Elle est devenue ronde. Elle est devenue s'inquiétant. Enfin, tu vois, il y a plusieurs problèmes. Non, elle est pas ronde, mais bon, ses hanches sont un peu élargies. Elle est ovale, quoi. Oui. Ah oui, mais enfin, c'est normal. Elle a eu 4 mois. Voilà, sa peau est un peu moins ferme. Bon, voilà, c'est. Bah oui. Normal, les choses de la vie aussi, mais bon, c'est vrai que... Exactement, et pour que ça dure plus longtemps, et puis pour que je prenne un peu plus de plaisir, je suis obligé voilà, de trouver des petites choses. Mais est-ce que c'est vraiment lié à son corps qui a un peu changé, ou au fait que ça fait 10 ans que vous couchez ensemble, quoi? Après, t'es peut-être lassé tout simplement d'avoir la même meuf. Bah oui, je pense que c'est juste ça. Hein. On va dire peut-être un peu des deux. C'est vrai qu'on essaye aussi de trouver des nouvelles choses... On a déjà expérimenté pas mal de choses depuis qu'on est ensemble. Ouais. On essaye de pimenter un petit peu aussi régulièrement les choses, mais ça doit jouer aussi un petit peu. Ouais, bien sûr. En fait, ça se trouve, elle pense à Brad Pitt. Hein. Ce qu'il faudrait qu'il t'arrive pour t'en remettre dans le bain, c'est dégueulasse, hein, mais c'est que tu te rendes compte qu'elle se barre. Et tu dis, et c'est là que ça va faire tir dans ta tête et tu vas te dire, mais putain, mec, mais attends, mais c'est la meuf, moi je suis amoureux. Ou alors il se rendra compte qu'il est temps d'en trouver une autre. Non mais oui, mais plus jeune, plus bonne et qui. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais même s'ils doivent se séparer, c'est s'ils sont pas heureux, c'est que sexuellement que vous êtes pas heureux, hein, j'imagine. Tout le reste va bien. Pardon. Tout le reste va bien. Ah oui, c'est déjà ça. Amoureux d'elle, oui. C'est sexuellement. D'accord, je pense qu'il est temps d'arriver à ce que beaucoup de couples arrivent après tant d'années. C'est... L'échangisme. Voilà. Oh, qu'est-ce qui est chiant celui-là, putain, c'est dingue ça quand même. C'est une solution comme une autre. Ouais, libertinage. Non mais si déjà vous en parliez, ce serait déjà pas mal. Ouais, ce serait un bon point, je pense. Ouais, déjà, délicat. Oui, c'est délicat. Mais non, elle est pas con, elle doit bien le sentir aussi. Ben bien sûr. Hein. Ouais, ça, les non-dits, ça sert à rien, c'est ce qui est pire. Non, justement, elle le sent plus trop, c'est ça le problème. Ouais. Aussi, sûrement. Bon. Et attends une seconde, Sébastien, parce qu'il y avait Ambre qui est là aussi, 21 ans de Calais. Salut Ambre. Salut tout le monde. Ça va? Salut. Ça va bien et vous? Ça va tranquille, ouais. Une voix de vieille. Hein. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est bon avec bonjour quand même, mais. Oui, quel âge as-tu, Ambre? 21 ans. 21 Ah oui, pardon. Toi, mec. Combien mesures-tu, Ambre? Combien je mesure? Oui. 1m67. Combien pèses-tu? Ah. Tu peux mentir, hein, il te voit pas. 53 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Donc là, t'as menti. Ouais. Quel est ton tour de poitrine? Tu peux mentir, il te voit pas. Comment? Tu peux mentir, il te voit pas. Ouais, c'est ça, hein. Tu peux dire 95 c'est 50 ans. Hein. Voilà, exactement. 95. Ah, bah dis donc, putain, je suis quand même doué. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du dernier pantalon, 40. 40. D'accord, oui, c'est très moyen tout ça. Ouais, c'est vrai que t'as mal menti. Tous les mêmes. Hein. Ouais, bah surtout lui. Hein. Bon, Ambre, alors toi, donc, est-ce que t'as déjà eu des pensées pendant que tu faisais l'amour, d'autres pensées qu'à te faire kiffer ou faire kiffer ton mec? Oui. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ah, c'est bon. Non mais alors c'est quand c'est ton mec ou c'est des plans d'un soir? C'était mon mec. Ah c'était ton... Ah carrément. Ah ouais là c'est violent quand même. Attends mais combien de temps? Ouais. Comment? Après combien de temps de couple? Ça faisait un an. Ah oui quand même. Tu l'as plaqué le lendemain quand même. Oui. Ah voilà. Et qu'est-ce que je fous là, c'est-à-dire par rapport à quoi? Bah en fait j'allais chez lui pour mettre les choses au clair et puis dire bon écoute voilà c'est fini. Ça va pas. Il avait un caractère de merde en fait. Et il a commencé à faire son lover, à me faire un petit repas et tout ça. Donc moi je me suis dit, oh là, ça n'envisage rien de bon, hein. Ouais. Et puis la soirée, on l'a fini, donc forcément au lit. Et puis là, c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il s'est éclaté de rire. Ah, d'accord. Ça l'a fait. Bah, écoute, ça l'a fait rire après. Hein. Alors, on peut ajouter à ça la pitié aussi alors. T'as couché par pitié un peu. C'est ça hein, au final, hein, clairement même. Ouais, je crois quand même, ouais. Ah bah ouais, bah oui, non mais c'est clairement ça. Sinon il y a aussi, aïe, mais tu ne presses pas des oranges, mon gars. Ça c'est quand t'as les mecs qui sont... ils sont là, ils voient les trucs surréalistes ou pas, et tu sais, je dis ça comme je sais pas moi, comme quoi, comme ouais, comme des oranges, comme des oranges quoi, tout simplement. C'est les mecs qui se rendent pas compte, ils y vont comme des bourrins ou les meufs, hein, parce que parfois elles te prennent le truc et l'impression qu'elles changent de vitesse. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Est-ce que Sandra peut nous expliquer comment bien toucher des seins? Oui, alors voilà, explication. Avec envie. Oui, d'accord, voilà. Ça peut vraiment nous aider ça. Moi, non, mais quoi, faut prendre le sein. Entre nous, quoi. Non, ça marchera pas, Jack. Non, mais alors, sans le montrer, il y a plein de mecs qui écoutent là. Mais non, mais avec envie, moi, c'est. Non, mais d'accord. Tant que je vois dans les yeux du mec qu'il aime ça, ça m'excite grave. D'accord, donc, alors demain, je vais mettre ma bite sur ton sein comme ça, puis je vais le fouetter parce que ça me donne envie. Alors, vous m'est déjà arrivé pour le coup, et ça me fait marrer ça plus. Bah oui, mais c'est ça. Comment le mec il peut, tu sais, genre il faut le prendre par en dessous, ramener vers le centre. Mais il y a pas de. Mais non, mais bah, tu me poses des questions super techniques. Je suis pas pointue sur le téton, quoi. Par contre, tu peux avoir le téton pointu. Hein. Effectivement, il faut pas serrer comme un malade parce que ça fait mal. Ah, donc ça fait mal. Tu peux serrer, mais pas. Mais pas comme un malade. C'est pas comme si l'expression était très bien. Presser un citron. Voilà, oui, c'est pas ça. Une orange. Enfin, ouais, c'était voilà, des citrons, c'est pas. Bon, sinon il y a aussi Ambre. Tu me diras si t'es déjà arrivé. Bon, j'attends qu'il s'endorme et je me casse. Ah, quelle horreur. Ouais, quand même. Ouais, ça va ouais, encore, c'est-à-dire bah, qu'elle a fini. Avec ce mec-là, ouais, non, mais c'est pas possible quand même, t'as tout eu avec le même mec. Ah, et ça devait vraiment être un casseau, ça, ton mec. C'était une erreur. Oui. Putain, c'est violent quand même. C'est très violent. Bon, Ambre. Oui. Merci à toi d'être passé pour nous donner ces petits détails croustillants sur ta vie privée avec le mec, bien entendu. Mais il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Salut. Merci. Ambre, et salut. Merci. À Sébastien également, qu'on envoie bien évidemment chez Micha au standard. Et Sébastien? Oui. Quel âge ils ont tes enfants à peu près? 14, 9, 7 et 4. Bon, c'est un petit peu jeune, mais 14, on va lui filer un DVD, tu vas gérer ça avec Micha au standard, tu choisis parmi... Ah ouais, l'âge de glace aussi, ouais, bon bah très bien. Bah, tu vas gérer avec Micha pour avoir des cadeaux pour les enfants, d'accord? C'est gentil, merci. Non. Salut, quoi, attends, quand tu les reçois, tu les emballes et tu l'offres pour Noël. Comme ça, ça ne coûte rien du tout. Sale con, va. Bon, allez, salut Seb. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. À bientôt, ciao Seb. Mickaël, le podcast. Charlotte qui est là maintenant. Charlotte, 24 ans du 77. Salut Charlotte. Salut les auditeurs. Ça va bien. Et nous, sans branle, quoi. Hein, je vous passe un bonjour quand même, un bonsoir. Ah bon, voilà. D'accord, encore. Ouais, parce que comme tu salues tous ceux qui sont derrière la radio. De quoi? J'ai peur là. Pourquoi t'as peur? Mais non. Ah bah attends quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le canular du siècle. Ah bah ça dépend, on va voir. Hein. Ah c'est le chéri cocu. Ah bah non. On verra bien. Allez, ça va bien se passer. On va donc effectivement faire un chéri, je t'ai fait cocu. On va donc appeler ton mec. Comment s'appelle-t-il? Hakim. D'accord. Il a quel âge? Il a 25 ans. Très bien. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que je connais. D'accord. On est ensemble en fait. D'accord. Ah, vous habitez ensemble? Non, on vit pas ensemble. Non. Ah, vous vivez pas ensemble. Ok, d'accord. Ça doit venir du fait qu'il est malheureux. Hein. Combien mesures-tu? Combien je mesure? Ouais. Je mesure 1m65. Combien pèses-tu? Ah bah là, la question que tu vas poser aux femmes. Mais si, moi je peux te la poser. Combien pèses-tu? Tu peux lui mentir. 57. Combien? 57? 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Je sais pas, ça dépend des jours. Des fois ça grossit, des fois ça maigrit. D'accord, les soirs de pleine lune, c'est là que ça doit être le plus important. Les soirs de pleine lune, 95 B. D comme Denise? B. Non, B comme Béatrice. Babar. D'accord, Dan. Comme Babar. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ou comme Bouboule? La taille des pantalons que j'achète? Ouais. 38-40. Ou comme Boops. Ouais, c'est pas mal. Non, il doit pas être si malheureux que ça quand même. Ouais, c'est ça. Bon, on va donc l'appeler. On va lui faire croire quoi? T'as déjà prévu une petite idée ou pas? Ouais, bah en fait, je vais lui faire croire que je lui fais cocu avec un mec qui bosse avec moi, mon responsable en fait. D'accord. Il sait comment il s'appelle? Non, il sait pas comment il s'appelle. Bah, il va s'appeler Michel. Tout ça pour avoir une promo. Allons-y, Michel. Très bien. Dans le but d'avoir une promo, bien entendu. Tu fais quoi comme boulot? Tu travailles dans quoi? Moi, je travaille dans la sûreté à l'aéroport. À l'aéroport? Où ça? À quel aéroport? À Orly. À Orly, d'accord. Okay. Merde. Donc, dans la sûreté, c'est-à-dire, c'est toi qui fais les trucs, tu sais, quand tu dois enlever la ceinture et tout, voilà, le bordel? C'est moi qui fais chier le monde avant qu'ils prennent leur vol. D'accord, ok. Parfait. Ok. Impeccable. Bon, eh ben parfait. Donc moi, en tant que patron de ça, je suis responsable de. Tu es chef de la sécurité. Chef de la sécurité. Ouais, non. Enfin, on va dire. Non, il y a un mec que t'as un peu trop palpé. Et il a bien aimé. Mais non, c'est bizarre. Non, même pas, je parle pas des hommes. Ah voilà, en plus, mais non, c'est ça. Bon, écoute. Non, on va juste dire mon responsable, parce que de toute façon, je parle pas de... Ouais, responsable. Voilà. Okay. T'as pas le droit d'en parler ou quoi? D'accord, responsable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'en parler, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. La dernière fois, on m'a fait chier avec mes câbles. Tu sais, j'avais des câbles, c'est mon chargeur d'ordinateur. Oui, mais vous pouvez étrangler quelqu'un avec ça. Bah oui, mais enfin, ça fait 20 ans que je fais comme ça. Et là, tout d'un coup, je peux étrangler quelqu'un. Tout ça pour me laisser passer au final. Ça change tellement que... Ça ou les... Attends, les bouteilles d'eau, tu m'expliques? T'expliques? Ouais. Bah, c'est des explosifs. Et bah, c'est un liquide, donc ça passe pas. Si ça fait plus de 100 millilitres pour la ligne. Si ça fait plus de 100 millilitres? Non, mais une bouteille d'eau, tu vois, une bouteille d'Evian, ça se voit que c'est de l'eau. Enfin... Non, bah, oui. Il y a des produits dangereux qui sont invisibles. Voilà. Dilué dans l'eau, tu sais pas ce que c'est. Attends, voilà. On va trouver d'autres trucs. Bon, on va pas utiliser sur les trucs professionnels, parce que je vais me faire lâcher, moi. Ouais, en plus, c'est vrai qu'elle peut pas dire, normalement. Bah, quoi, attends, si, on dit que c'est interdit. Bah, tu peux bien expliquer pourquoi aux clients? Bah, si, c'est interdit depuis qu'il y a eu l'attentat à Londres. Ça, je suis d'accord, mais genre, un coup de d'ongle. Parce qu'en fait, ça peut être un explosif liquide. Simplement. Non, d'accord, tout simplement. Voilà. Voilà. Mais après, le roux, il va gueuler parce qu'il peut pas prendre sa bouteille d'Evian, mais il va gueuler aussi si jamais il se fait attaquer avec un mec qui a une bouteille d'eau avec un explosif dedans. Ouais, exactement. Pourquoi vous l'avez pas interdit? C'est des contradictions, hein. C'est des lois françaises, hein. Faut pas chercher à comprendre. Mais c'est pas grave. Bon, Charlotte, allez, on y va, on appelle ton mec. Au plus tu le rends fou, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. Et bien sûr, nous sommes chez moi à la maison, pas chez toi. Allez, c'est parti. Allez, bonne chance. Après ça, tu seras célibataire. C'est parfait. Allô. Allô, chérie. Ouais. Ouais, c'est moi, ça va? Ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Rien, là, je rentre dans l'entraînement. Ah, t'es claqué. Ouais, grave. Journée de taf de ouf, entraînement de jeu. Ouais. Bref, une journée pourrie. Ouais, je sais quoi ce message? Ben ouais, mon téléphone, il déconne en fait, donc je t'appelle du téléphone de quelqu'un d'autre, là. Ah, ok. Ouais. Et en fait, fallait que je te parle d'un truc. De quoi? Super important. Bon, en fait, faut que je t'annonce que je t'ai fait cocu. Et bim. Tu rigoles, là, j'espère. Non, mais je rigole pas, en fait. Mais ouais, je t'ai fait cocu. C'est quoi, c'est poisson d'avril? On est au mois de décembre, ma gueule. Hein. Non, on est au mois de décembre. T'inquiète pas, t'as un cadeau de Noël, quand même. Hein. Je t'ai pas oublié. Genre, tu m'appelles, tu m'annonces cash, ouais, je t'ai fait cocu, c'est quoi cette histoire? Ouais, je t'ai fait cocu avec un mec de mon taf, mon responsable. Ça fait un petit bout de temps que ça dure, en fait. Et on se voit tout le temps, on se voit tous les jours, et il y a un truc qui s'est créé. En plus, il m'a promis de me donner une promotion et tout. Donc, t'as vu comment on en a besoin, bah voilà, quoi. De toute façon, tout le monde le fait à mon boulot, donc c'est bon. C'est pas un tout le monde le fait. Mais t'es sérieuse, là? C'est comme les gosses. J'ai eu 5, mon voisin, il y a eu 4. Tu dois bien t'en douter, quand même. Je crois que tu fais des heures sup comme ça, tous les soirs, machin, pour rien. T'es en train de m'annoncer que tu couches avec ton responsable. Ah, ouais. Bon, Charlotte, t'as fini au téléphone ou pas? Attends, tu permets 2 secondes, je termine avec... En plus, t'es avec lui, là? On va pas y passer la nuit, hein, quand même. Ouais, je suis avec lui. Je me lève tôt demain. Mais c'est quoi, cette blague? Bon, puis si ça se tôt, c'est qui, ce PD, là? C'est mon responsable. Mais c'est quoi, ça? C'est pas, franchement, c'est pas un PD, parce que je peux te dire que, voilà, lui... Ah, t'es en train de me dire qu'il t'aimait bien? Bah, ouais. Tu es en train de m'annoncer que t'es en train de faire le tapin au taf, c'est ça? Bah ouais, mais tout le monde le fait. C'est pas le mec choqué. Ça y est, voilà. Attends, mais t'es avec un mec au téléphone? Comment ça, tout le monde le fait? Il est bi, c'est-à-dire que même les mecs qui bossent... Charlotte, t'es avec un mec au téléphone? Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Il est où, là, PD? Je suis avec mon mec, ouais. Attends, comment ça, t'es avec ton mec? Bah je t'ai dit, je t'en ai parlé déjà. Je t'ai dit que j'avais quelqu'un dans ma vie. Non, mais je croyais que c'est ton ex. Mais c'est quoi cette voix de lâche en plus qu'il a, là? Tu rigoles, c'est pas... Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu me prends pour un idiot? Attends, non mais t'es pas sérieuse, là, j'espère, hein, parce que c'est une grosse blague. Non, mais si, je suis sérieuse, c'est vrai que, voilà, je te l'annonce un peu bizarrement, mais oui, je suis sérieuse. Charlotte! Qu'est-ce qui gueule derrière, là? Qu'est-ce que tu me prends pour un idiot? Mais passe-le-moi, je gueule derrière. Je suis avec lui, je passe la soirée avec lui, et que, voilà... Bah, dis-lui que c'est fini, alors, basta, quoi, basta cosy. Mais qu'est-ce que... Mais déjà, toi, attends. Bon, parce que moi. Voilà, de toute façon, il fait parce des que moi, je te dis. Je suis trop bien. Depuis quand? Depuis quand ça? Bon, donne-moi le téléphone. C'est quoi cette histoire là? Depuis quand? Allô? Allô? Allô? À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? À celui qui la met à ta mère. C'est quoi cette histoire là? Bon, comment vous prénommez-vous, cher ami? Quoi? Comment vous prénommez-vous? Jean-Marc. Très bien, Jean-Marc, c'est Michel. Ouais, ça va, Michel. Ça va bien. Bon, vas-y, c'est quoi cette histoire là? T'as un pote à Charlotte ou quoi? Non, je suis son responsable. Enfin, accessoirement, son ami, son petit ami également. Son petit ami? Oui. Ça veut dire que tu couches avec elle? Je ne crois pas que ça vous regarde. Tu crois pas que ça me regarde? Ok, bah je suis son copain, figure-toi. Ah, alors il doit y avoir un petit problème, ça doit être son ex-petit copain alors. Hein. Car moi-même étant petit copain aujourd'hui, on ne peut pas être deux, n'est-ce pas? Oh la blague, putain, je suis avec une tape. Putain, je... Une quoi? Oh, la folie, je suis avec un catin. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui me tape une fille, hein, si je puis me permettre, pour parler un peu comme vous. Putain. Voilà, s'il vous plaît. Allô? Non mais tu rigoles là, non bon, mais je suis choqué. Il s'agira dès aujourd'hui donc d'arrêter d'arrêter de l'appeler, hein. Mais ferme ta gueule, t'es qui toi? Comment ça? Bah, je vais vous le dire, je suis Michel, son responsable. Mais je m'en bats les couilles de qui t'es. Non mais un petit peu de respect monsieur, non mais je vous parle mieux que ça, que vous êtes malade ou quoi? Mais je te parle comme je veux. Est-ce que vous avez un problème? Excusez-vous. Putain, non mais excusez-vous là. Non mais la blague, excusez-vous. Non mais excusez-vous enfin, vous êtes grossier. Oh, c'est la folie ça, passe-moi l'autre pute là. Attends, vous savez qu'avec blague, les gens, ça. Pardon, excusez-moi. Ça fait 3 ans que je suis avec elle et elle me fait ça. Eh ben justement, il y a un moment, faut partir, hein, faut bouger, comme on dit. Il faut terminer. Partir. Mais t'es un ouf. Vous savez qu'avec des gens comme vous là, justement, en général, je les palpe et je leur fais mal au contrôle. Ah. Alors, j'espère que vous n'allez pas prendre l'avion dans les jours à venir, hein, parce que je vais pas vous louper. Hein. Mais tu sais quoi, vous bossez à quelle porte là? Vas-y, dis-moi tout de suite à quelle porte tu bosses. On va arriver ça tout de suite. Mais pourquoi? Vous allez prendre l'avion exprès pour arriver pour venir me voir? Ouais, je vais prendre un billet d'avion, ouais. Et pour aller où? De toute façon, vous passerez pas, je vous laisserai pas passer. Ah bah, tu verras, si tu me laisseras pas passer. Ah bah, je vous confirme. Ah bah. Non, mais vous avez un problème. Mais t'es tombé sur un client là. Non, mais vous avez un gros problème. Mais c'est quoi le gros problème? Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Bon, alors excusez-vous, je le répéterai pas deux fois. Non mais il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Non mais Charlotte, il se fout de ma gueule. Passe-moi Charlotte. Il se fout de ma gueule. Passe-moi Charlotte. On dit passe-moi Charlotte, s'il te plaît, monsieur. Ferme ta gueule, passe-moi Charlotte. S'il te plaît, monsieur. Fils de lâche. S'il te plaît, monsieur. Si je me permets, passe-moi Charlotte, s'il te plaît. Je vais réfléchir et je vous rappelle. Bah non, tu me l'as pas. Au revoir, monsieur, à tout de suite. Oups là. Voilà, parfait. Charlotte, on le rappelle après la pub, d'accord? Ok. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Michael, le podcast. Charlotte, on le rappelle, d'accord? Ok, ça marche. On était en train de le rendre fou puisque je suis donc le responsable de Charlotte qui travaille à l'aéroport d'Orly et qui contrôle les gens hein, quand ils font enlever la ceinture, mettre tout dans la petite boîte là. Et donc on va le rappeler puisque j'ai dit que il voulait te parler, j'ai dit que j'allais réfléchir hein, le temps de la pub et du disque. Bien sûr, j'ai donc réfléchi et ce sera long. Ok. Comment il avait dit qu'il s'appelait? Jean-Marc. Jean-Marc. Allô. Allô Jean-Marc? Mais putain, c'est quoi cette histoire là? Vas-y, passe-la moi là. Putain, je rigole pas, depuis tout à l'heure, c'est de l'appeler. C'est Michel. Eh, je m'en bats les couilles, c'est qui? Passe-la moi. Bon, j'ai bien réfléchi. T'as quoi réfléchi? Bah tu voulais lui parler là tout de suite avant la. Vas-y, bah passe-la moi, vas-y. Bon, j'ai bien réfléchi. C'est non. Quoi c'est non? Mais ferme ta gueule, mais t'es qui pour décider? J'ai décidé que ce serait non. Je suis son responsable, c'est moi qui décide. Putain de salope qui est avec toi, passe-la moi. Pardon, un peu de respect s'il te plaît. Ouais, mais oui, mais la grosse pute, ouais. Un peu de respect. Mais y a pas de respect pour un peu de respect avant que je me fâche. Tu vas te fâcher de quoi? Ouais, de... bah je vais me fâcher, pas, alors un petit peu de calme, ok gueule, mais oui, tu vas te fâcher de quoi, vas-y. Ouais, vas-y, passe-la moi, putain. Fais attention, ok? Ouais, je vais de... Ah putain, je deviens ouf là. Bon alors, je veux bien te la passer, mais 30 secondes. Bah vas-y, dépêche-toi là, putain. 30 secondes, attention, je chronomètre. Ouais, chronomètre. Ok. Attention. Charlotte, viens ici, je chronomètre. 3. Viens ici, s'il te plaît. 2. Non, attends, une seconde. Attends, Charlotte, ne bouge pas. Hein. Attends, il faut que je chronomètre 30 secondes, pas plus. Alors, attention, recommence. Je te le passe, attention, tiens. 3, 2, 1, vas-y. Allô? Allô, espèce de pute, va. C'est quoi cette histoire, là? Plus que 25 secondes. Espèce de grosse. Eh, c'est un truc de ouf ça. Putain, dès le début. Comment tu m'insultes là? Plus que 20 secondes. Mais c'est normal, mais tu fais la cata. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plus que 15 secondes. Ça fait 3 piges de présenter ma famille normale, plein de respect, espèce de grosse salope. Allô. Je me disais bien, tu suis trop bien pour être une fille bien. Allô. Ça pute, va. Mais qu'est-ce que... Repasse-la-moi, putain. Repasse-la-moi, là. Le temps est écoulé, hein. Quel temps est écoulé? J'ai dit 30 secondes, c'est passé, hein. Ça, c'est... On peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là? Ah ouais, non, ça... J'ai espèce dit 30 secondes. Espèce de petit PD, va. Quoi? Ouais, espèce de petit PD. Est-ce que tu veux que je m'énerve? Une pute que t'es un mec, hein. Non, mais fais attention, hein, je te rappelle que... Non, mais attends, un peu de respect, non, mais je rêve. Mais quoi, tu rêves? Tu veux que j'envoie des potes, là, pour te coffrer? Je connais des gens à la police, j'ai le bras long, moi. Ouais, bah ouais, moi j'ai la bite longue, tu vois. Ah bah ouais, bah ça se voit pas, hein. Ah, t'es longue et fine, alors. Ah bah... Ah ouais... À ton avis, pourquoi la chatte aussi large, maintenant? Putain, c'est un truc de ouf, là. Je deviens ouf, là, putain. Arrête. Passe-la-moi, merde. Passe-la-moi. Bon, je veux bien, mais alors 20 secondes. Mais y a pas 20 secondes, mais tu t'es pris pour qui? Allez, vas-y, 20 secondes. Mais 20 secondes. Allô? Quoi? Mais c'est quoi cette histoire, là? Putain, t'es où, là? T'es où? 15 secondes. Dis-moi, t'es où? Dis-moi, t'es où? Je viens tout de suite. T'es quoi? T'es pas loin. 10 secondes. Dis-moi, t'es où? Je comprends pas pourquoi tu te formalises. Tu prends 5 secondes. Ah ouh, t'es où? Attends, mais y'a rien, y'a rien de mal. T'as pas me dire que toi, t'as pas rien. Tu m'annonces des trucs de ouf, tu me dis rien. Allô? Mais qu'est-ce qui me reprend? Putain, il reprend le téléphone. Les 20 secondes sont passées, hein. Bon, qu'est-ce que tu voulais savoir? Ça dure depuis quand, là, vos conneries, là? Bah, ça te regarde pas? Mais ça me regarde, mais en plus, il a une voix d'enculé, putain. Allô? Mais c'est pas possible, ça. Bon, ça te regarde pas, du coup. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je te présente quelqu'un? Vous êtes où, là? Dis-moi, vous êtes où, là? À la pompe à essence. À la pompe à essence. Quelle pompe à essence? À Shell. À Shell. Shell d'où, va? Quoi, Shell d'où? Non, 77, où tu veux qu'on soit? Ah, bah, vas-y. C'est quoi? Ouais. Attends, j'arrive, espèce de PD, va. Ouais, bah, il va falloir que tu trouves. Allô? Ah, merde. Ah, tu l'as vexé, hein. Ah ouais, putain, je me demandais quand est-ce qu'il est raccroché, là. Bon, on le rappelle. Ah, dis-lui, là. Ouais, bah oui, je vais lui dire. Je suis pas l'enculé, quand même. J'aime bien ces insultes, moi. Ouais, ouais. Cul de ta race. Et pourquoi tu crois qu'elle achète aussi large? Oh, c'est un sort avec un catin, en fait. Allô? Allô? Kikim? Quoi, Kikim? Mais ouais. En plus... Non, parce que Charlotte, elle m'a donné ton vrai prénom, en fait. C'est Kikim. Mais ferme ta gueule. Bon, Hakim. C'est quelqu'un, c'est Kikim. Charlotte, en plus, ça donne mon prénom, c'est ouf ça. Explique-lui. En plus, elle l'a donné à plein de monde. Non, mais Hakim, chérie. C'est une blague. C'est à la radio. De quoi je suis à la radio? Ben, c'est le canular. C'est un canular, c'est pas vrai. Ouais, ça. Tu m'affiches à la radio là? Mais oui, c'est pour rigoler. C'est non, bon, c'est Noël. Hakim, Merry Christmas. C'est pour faire. Merry Christmas. Merry Christmas. Non, t'es en direct à la radio, c'est énergie, c'est le chéri, je t'ai fait cocu, Hakim. C'est rien, c'est bon, ça y est, t'es rassuré? Voilà, ça va bien, t'es rassuré? De quoi ça va bien? Y a pas de ça va bien. Si, mais si, c'était pour rire, c'était une blague. Non, mais y a pas de c'était pour rire. La mais tête, si, ah, vous si, avez perdu des cadeaux là. Bébé, on rigole. Bah voilà. De quoi on rigole? Une journée de merde et une journée on rigole. Mais justement, t'as eu un... Bah justement, ça met un peu de piment dans notre vie. T'as eu un gros coup de pression là, et puis maintenant, ça relâche. Elle va évacuer toute la pression dès que t'arrives à la maison. Hop, toute la pression, elle va l'évacuer. Bon, déjà, elle t'a promis jusqu'au 31 décembre, tout ce que tu veux sexuellement, c'est open bar. C'est Thanksgiving. Non, c'est déjà passé, ça. Comme ça, tu sauras pourquoi elle a la chatte aussi large. Oh, tof. Oh, c'est donc, c'est Kikim qui l'a dit, hein. Arrête un peu de l'appeler comme ça, il aime pas. Bon. Thierry, t'es là? Oh, je suis là, ouais. Bon. Mais calme-toi, ouais, tu vas voir. Ça tu vas y voir, est, tu vas rien, voir. On rigole, allez. Tu vas avoir plein de cadeaux. Charlotte et Hakim? Ouais. Je vous laisse un petit peu discutoyer dans le standard et je vous reprends un petit peu plus tard, d'accord? Vas-y, ça marche. Voilà, hop, voilà. C'est tu fait. Crois, hein. Je crois qu'il est un peu fâché. Bah, c'est normal en même temps. Je pense qu'il est un peu vénère. Hein, c'est... Non. J'espère que il ça pas va de raison. J'espère que ça va finir comme Rihanna. Arrête, bah, c'est pas ça, putain, t'es con. Non, mais c'est parce qu'on l'écoute. On parlerait de nous dans la presse. Ouais, peut-être, ouais. On va l'écouter maintenant avec Russian Roulette et puis on essaiera de les récupérer juste derrière Charlotte. Je regarde Rihanna, elle va mieux maintenant. Oui, mais enfin, à un moment, elle allait mal. Hein. Elle a dit qu'elle voulait le revoir. Chris Brown. Ouais, pour lui mettre un coup dans les couilles. Non, non, parce qu'elle a, elle a pas envie que ça se finisse comme ça, elle est déçue. Enfin, elle est con, quoi. Bah, elle a le droit de, elle est amoureuse. De changer d'avis, ouais. Bah, un problème, cette fille. Hein. Bah non, c'est comme ça. Mickaël, le podcast. Bon, on est en retard. Comme d'habitude, c'est pas grave. Allez, passons maintenant au Mac du jour. Bienvenue dans ce Mac du jour, de l'actu condensée à notre sauce. On perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. Et bonne nouvelle, après s'être endormi, réveillé, re-endormi, puis re-réveillé, on en sait désormais plus sur le coma artificiel de Johnny Hallyday. Bah en fait, il était branché sur les guirlandes de Noël de l'hôpital. Et puis on l'a appris hier, Nicolas Sarkozy envisage très sérieusement de confier une mission à son ex-ministre du logement, Christine Boutin. Et c'est quoi comme mission ? Ah, ça, il le sait pas encore, hein, mais il a demandé à ce que ce soit loin, très très loin. Et puis vous le savez, Amar, un petit gars de 12 ans qui passait par là, a tragiquement été tué par des connards dimanche à Lyon dans une fusillade. Ce genre de fusillade et règlement de compte se multiplient depuis quelques mois en France, à tel point qu'on se croirait parfois dans le Bronx. Hein. Ouais, enfin en même temps, c'est pas nouveau, hein. Les Français ont toujours fini par copier le modèle américain. En mal ou en bien. Oui, mais alors c'est quoi la suite ? Alors est-ce que, par exemple, comme aux States, la France va finir par avoir des portiques de sécurité à l'école ? C'est possible, oui. Bon, et des magasins ouverts 24 heures sur 24 ? Bah oui, ça fait rentrer du pognon. Bon, est-ce que, comme aux States, la France pourrait interdire l'alcool jusqu'aux 21 ans ? Bah oui, pourquoi pas. Ah, pas dans le Nord. Et tiens, est-ce que la France pourrait un jour, comme aux États-Unis, élire un président noir ? Ah non, ça je crois que ça va pas être possible. Voilà, je pense qu'on a atteint les limites hein, de l'identité nationale. Allez, on passe à autre chose, ou pas, c'est l'heure du con du jour. Il nous vient du Wisconsin aux États-Unis et c'est peut-être un lointain cousin, du roux, n'est-ce pas Sandro ? Oui, alors en fait c'est un Américain, il a été condamné à un an de prison, plus 3 600 $ d'amende, plus 3 ans de retraite permis. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça ? Parce que alors, c'est méchant là quand même. En fait, il a 36 piges et il a été arrêté pour un délit de conduite en état d'ivresse. C'est pas mal. Attends. Ça peut arriver. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut arriver au final. Voilà, sauf que c'est la cinquième fois. Ah bah oui, quand même, ça n'aide pas. Hein. Donc forcément, les keufs, ils veulent l'emmener au poste. C'est ça. Et c'est là que mon con devient con. Pisse sur un des flics. D'où ça peut ressembler au roux. Ouais, je rappelle que le roux a déjà pissé sur Sandro. C'est ça, alors j'ai envie de dire boire ou pisser, il faut choisir. Effectivement, bon, il a choisi, ouais. Merci pour ce compte du jour, Sandro. Alors que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient aimé pisser sur des flics. Ouais, mais enfin bon. Allez, on passe au sport maintenant. Polémique au PSG après la victoire face à Saint-Etienne. Un obscur entraîneur français a décidé de faire du chantage à Edel, le gardien remplaçant de Grégory Coupé qui officiait dans les buts parisiens. En effet, selon Nicolas Philibert, Edel ne jouerait pas sous sa véritable identité et n'aurait pas l'âge qu'il prétend avoir. Et pour ne pas révéler ses informations, Nicolas Philibert réclamait 30 000 euros, proposition que le PSG n'a pas acceptée. Ouais, par contre, ça a donné des idées à l'entraîneur parisien, hein, Antoine Comboiré, puisqu'il a, avant le match contre Saint-Etienne, menacé ses joueurs de dire à tout le monde ce qu'il pensait vraiment d'eux s'ils ne gagnaient pas. Résultat 3-0. Ouais, bah, comme quoi, ça a du bon chantage. Hein. Haro. Ouais. Et puis, ils l'avaient promis, ils l'ont fait, les joueurs de Vigan, donc, qui avaient été humiliés à Tottenham 9-1. Ils ont quand même mis un but. Ont remboursé de leur poche les tickets des supporters qui avaient fait le déplacement. Donc chapeau. Chapeau. Ouais. Alors nous on a calculé. Si les bleus de Domenech en avaient fait de même, alors 3 000, 130 000, 900 000, et là ouais au moins 25 milliards au moins contre l'Irlande. Et ben voilà. Si les joueurs de l'équipe de France avaient remboursé les supporters des bleus chaque fois qu'ils les ont déçus, ça nous ferait un gros découvert. Ah oui, ça c'est clair. Il va falloir en faire des pubs Gillette pour rattraper le coup. Hein. Ça je vous le dis. Hein. Allez, une petite astuce, une bonne idée, c'est donc l'heure maintenant du petit truc du jour. Un petit truc évasion aujourd'hui. Si par le plus grand des hasards vous vous retrouvez sous les verrous, arrêté par la police, eh bien nous avons une solution pour vous évader sans armes ni violence. Vous avez une idée ? Pas du tout. Non ? Bien. Sans armes ni violence. Eh bien, la solution, c'est d'attraper la grippe A. Un homme d'une trentaine d'années arrêté pour cambriolage a été placé en garde à vue, mais les flics l'ont aussitôt relâché car il avait la grippe A. Il a donc quitté sa cellule pour aller se faire soigner. Bien sûr, lorsqu'il sera guéri, bien évidemment, il devra être jugé. Mais si cela vous arrive, vous pouvez en profiter pour vous échapper finir vos vieux jours au soleil. C'est mieux. Voilà. Loin de la grippe A. C'était donc le truc du jour. Cette édition du Mac touche à sa fin. On va terminer maintenant avec le quiz des solutions. Ah, alors, attention. Bonne nouvelle, Lady Gaga n'est pas dedans. Ah, voilà, comme ça vous savez. Qui a dit j'ai beaucoup fréquenté les bordels et les putes. Ah, ça je sais. Patrick Sébastien. C'est pas tof. Hein. Thierry Ardisson. Non. Ah oui. Ah non, mais j'ai vu ça. Ah putain. Berlusconi. Patrick Sébastien, je l'ai dit. Ouais. C'est un français. Hein. Oui, enfin, il n'y a pas vraiment un nom français, mais enfin bon. Il n'y a pas vraiment un nom français. Oh, je l'ai vu tout à l'heure, putain. François Hollande. Jean-Marc Mangmec. Non. Nicolas Sarkozy. À peu de choses près, il aurait pu s'appeler Fabrice Lubric. Luchini. Exactement, Fabrice Luchini. Il s'apprête à Luchini, si tu veux, mais c'est CH. C'est lui qui le veut. S'apprête, ouais, mais enfin bon. S'apprête à jouer le rôle d'un homosexuel dans son prochain film. L'acteur français a parlé ouvertement de sa sexualité au magazine Têtu. Ah bon. Ensuite, qui a dit j'ai eu très peur quand Laurie a rencontré ma fille. Garou. Ouais, effectivement, bonne réponse, Garou et Laurie vivent une histoire d'amour depuis 3 ans. Le chanteur québécois confie ses craintes lors de la première rencontre avec sa nouvelle compagne et sa fille. Lors de la rencontre, pardon, entre la nouvelle compagne et la... Attends, compagne, pas campagne, compagne et sa fille. Il craignait rien, ses enfants, quoi. C'est quand même Garou, hein. Ouais, et puis ils avaient avoir peur, c'est tous les matins quand ils se lèvent. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ils avaient le même âge que Laurie en même temps. Ensuite, qui a dit je suis affligé devant ses propos totalement irrespectueux. Mais enfin, il sera vu un jour lui aussi, non? Est-ce qu'il traite sa mère de cette manière? Geneviève de Fontenay. Exactement, oui. Qui est outré des propos tenus par Laurent Ruquier et qui lui reproche de lui avoir manqué de respect lors de son émission en faisant référence à elle en tant que la vieille avec un chapeau. Attends, excuse-moi, elle est vieille, elle a un chapeau. Elle a 77 ans. Bah oui, mais oui, tu peux dire la vieille avec un chapeau. Elle est un peu chieuse, elle. Hein. Non, elle est chiante. Oui, c'est parce qu'elle se fait vieille. Elle est très chiante. Attends, on va voir si elle va dire un truc. Ouais, de toute façon Miss France c'est relou avec la vieille là. Ouais, la vieille relou avec son chapeau là. Est-ce qu'on peut essayer avec débris pour voir? Non, ah, non. Ça, c'est méchant, ça ne sert à rien. Alors ouais, que là je dis la vieille relou avec un chapeau, c'est vrai. Oui, mais tu sais, mémé, elle dort à cette heure-ci, je suis pas sûr qu'elle écoute. Oh, t'inquiète pas, il y a tellement de fouteurs de merde qui nous écoutent. Avec, tu sais, avec que... tout ce qu'on a balancé sur elle, je t'assure. Hein. Nous, ouais. C'était vachement plus violent quand même. Hein. Bon, c'est vrai. J'en ai entendu des belles. Hein. Mais t'inquiète pas, je sais qu'il y en a beaucoup que l'on croise régulièrement qui sont des. Qui aiment balancer. Hein. Donc, ah bon, pas. Hein, qui ça? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, non, malheureusement. Mais je sais qu'il y en a. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Il y en a beaucoup. Oui, pourquoi t'insistes comme ça? Non, rien. Il n'assiste pas? Pas du tout, je n'assiste absolument pas. D'accord. Voilà. Tu me reproches un truc, on dirait, non? Non, non, je sais pas. C'était toi qui as balancé. Je sais pas, tu me regardes, Peter. Ben, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait encore? Pas du tout, pas du tout. Bah non, je ne peux pas en parler. C'est un collègue. Sinon, je me fais gronder. Voilà, je sais pas si c'est un collègue, mais bon, ça doit être quelqu'un qui, en tout cas, n'aime pas le rock. C'est une pute, voilà. Quoi. Ah, je peux dire rock, je peux. Mais ils n'aiment pas Michael non plus. Ah, ils n'aiment probablement pas Michael, ni le rock. Voilà. Ah oui, ça fait beaucoup de gens sur la liste. Ouais, ça doit être des mecs qui doivent pas aimer ta web radio. Si on pouvait s'arrêter là, ce serait top. Ouais, je partis loin. Voilà. Ça sert à rien. On nous a demandé de pas citer le nom. C'est fait. Bon, on va. Qu'est-ce que j'allais dire? On va revenir dans quelques. Déjà, on retrouve le Mac du jour demain. Voilà. Mickaël, le podcast. Bon, on va jouer à question pour une réponse aussi dans quelques instants. Et puis, bah, vous le savez d'ailleurs, c'est le cas là, hein, on peut même pas vous mentir, on peut même pas mitonner quelque chose. On regarde beaucoup la télé, donc parfois on tombe sur des trucs drôles ou violents. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de vous faire partager ces grands moments de télévision. Et on commence avec Eric Nolo qui a décidé de faire chier Swan, le grand gagnant de la Nouvelle Star, qui vient de sortir un album. Et écoutez ça, ça s'est passé dans On n'est pas couché. Moi je trouve que vous êtes un peu un rebelle pour Bobo. Ça se termine par une chanson qui s'appelle Belleville, qui est le con de l'encanaillement. Je trouve que vous êtes un peu un rebelle. Et donc faut que je fasse un rebelle. Vous mettez une gifle pour être un rebelle ou c'est comment faut faire? Vous savez, prenez un ticket, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent jouer pour la lune que... Il y en a peu pour les peut-être les couilles aussi. Faites la queue, faites la queue. D'accord. Mais si c'est tout ce que vous avez à répondre. Ça commence où? Et puis Thierry Ardisson qui reçoit Valérie Pécresse donc dans Salut les Terriens sur Canal, et elle revient sur son altercation avec Roger Carucci et Ardisson, une théorie très intéressante. Qui êtes-vous, Valérie Pécresse? Je dis je suis une mère de famille avec 3 enfants. Éruption de Roger, et il a fait une déclaration que Roger est homo. Il a dit, elle l'a dit ça parce que je suis homosexuelle et parce que elle m'attaque. C'était absolument pas vrai. On me demandait de me décrire. J'allais pas uniquement dire que j'avais fait les mains et que j'étais ministre. C'est pas vrai, bien sûr. Oui. Ah, bien sûr, non, mais je comprends. Moi, je pense pas. Pauvre Roger. Ça prouve un truc, remarquez, c'est qu'au gouvernement, vaut mieux être raciste que pédé. Le portefeuille est toujours là. Oh, c'est bon, ça. Et pour terminer ce petit tour télé, Yann Barthès, avec son petit journal, revient sur quelques erreurs de Nicolas Sarkozy. Ah, oh, ça, c'est bon. Et ça s'est passé dans le Grand Journal. La TVA était à 5,5 avant que je prenne cette décision-là. J'ai McDo, j'ai Burger King. Stop ! Burger King n'existe plus en France depuis 1997. Putain, quand même, hein. Et nous avons eu aussi des phrases du jour. Phrase numéro 1, la régulière. Hein. Je dois d'ailleurs la vérité de dire. Je dois la vérité de dire. Phrase numéro 2. À partir du moment où je m'étais engagé, j'ai voulu te dire. À partir du moment où je me suis engagé, et enfin une des meilleures depuis bien longtemps, attention, go! La taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. La taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. Ouais, mais là c'est chipoté pour la dernière, parce qu'on sait. Non, c'est pas chipoté. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, j'étais en train de bouffer aussi au niveau des phrases improbables avec, avec un pote hein, que vous connaissez tous, Eric, notre photographe préféré. Qui dit ouais mais putain t'as vu là dans ce resto là il tue les vaches vivantes. Il tue les vaches vivantes. Ouais, il voulait dire qu'il les tu sais qu'il les flingue, enfin tu sais genre genre ils mettent un couteau, ils ouvrent. Arrête. Non mais de façon je sais pas de quoi il voulait parler. Oui, c'est ça mais c'est dégueulasse. Mais il tue les vaches vivantes, c'était beau. Ouais, tu vois, c'était pas mal, c'est pas la mal. Même personne qui a transformé l'expression française quand les poules auront des dents et il l'a changé, il a dit quand les poules auront du sang. Ça c'est vrai, c'est vrai. Et Sandro aurait pu la sortir. Ah, exactement, grave. Sandro qui a dit un jour l'expression il faut mettre de l'eau dans ton vin. Elle nous a dit il faut mettre de l'eau dans ton verre. Je me demande si elle a pas dit du vin dans le verre d'ailleurs. Si j'ai dit du vin. Non, c'est drôle. Ouais, il faut mettre du vin dans ton verre. Non, je crois que c'est de l'eau dans ton verre. Enfin, dans les deux cas. Hein. Oui. Un coca, vin ou eau. Au final, hein, ça revient un peu au même. Mickaël, le podcast. Dans un instant, on va se faire le question pour une réponse. Et puis bah là, on va parler de Nadine Morano, invitée hier d'un débat sur l'identité nationale. Ah bah, elle a bien répondu à le débat. Hein. Nadine Morano a semblé vouloir tirer l'oreille d'un jeune musulman français et a demandé qu'il aime son pays, qu'il trouve un travail, qu'il ne parle pas verlan, qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers. Voilà. Qu'est-ce que c'est idiot. Ah ouais, voilà. Là, le résumé, quoi. Bah, en gros, c'est ça, voilà. Donc, du coup, bah, bien évidemment. Ce qui fait, oui, c'est vrai que les Français ont le droit, de parler verlan. Les chrétiens français ont le droit. Ouais. Tout à fait. De mettre la casquette à l'envers. Exactement. La rouille a le droit. Voilà. Ah oui, là, à l'envers, sur le côté, comme il veut. Hein. Je vais le faire, t'as vu. Ce qui, bien évidemment, nous a donné donc le petit service après bourde des politiques. Service après bourde des politiques. Service après bourde des politiques, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nadine Morano au téléphone. Ah oui, bah, je m'attendais à votre appel. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, j'ai sous-entendu que les musulmans parlaient tous en verlan et portaient tous des casquettes à l'envers. Ah oui, c'est idiot. Du coup, je fais quoi, moi, pour me rattraper? Bah, dites que les juifs portent tous des blouses de médecins ou des costumes de banquiers. Hein? Ah oui, bonne idée, super, merci. Putain, quelle est bête. Service après bourde des politiques, bonjour. Oui, vous devinerez jamais où je suis. Bah non, mais c'est qui? Je suis au Parlement européen à Strasbourg, je me fais chier, grave. En plus, je déteste la saucisse. Ah, c'est Rachida Dati. Vous savez qu'on vous entend là? Oui, bon, c'est pas très grave. Sérieux, on s'est bien chier ici, hein. Je crois que je vais me prendre une télé TNT portable pour passer le temps. Y'a quoi ce soir à la télé? La France a un incroyable talent. Ouais. Encore un beau mensonge, quoi. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse. Je dois voter contre une loi débile pour le bien-être des gens, là. J'en ai pour 2 secondes. Je vous rappelle. Service après bourde des politiques, bonjour. Oui, allô, c'est re-moi, Nadine. Bon, c'est mal passé la remarque sur les médecins et les banquiers, hein. Désolé. Bon, il reste une solution. Mettez une casquette à l'envers et faites une vidéo en playback où vous rappez en verlan sur du NTM. Génial. Je vais faire ça. Putain, mais elle est complètement jetée, elle. Service après bourde des politiques, bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez? Bah non, vous êtes qui? Bleu, blanc, rouge, Éric le Français, j'aime mon pays. Allez, tous ensemble, bleu, blanc, rouge, j'aime les avions. Bleu, blanc, rouge, surtout quand ils s'en vont. Dites-moi, Éric, vous êtes fan d'aviation? Non, j'aime pas les Afghans, c'est tout. Bleu, blanc, rouge. Service après bourde des politiques, bonjour. Ouais, je représente pour la peu gris A, toi aussi refrais, vaccine, what? Hey Maryse, Hey, je viens d'avoir Doudou Morano au téléphone. Hey, c'est vraiment pas mal ce qu'elle fait. Au revoir. Au revoir. Voilà. Service après-bourde des politiques, donc, sur notre amie Nadine. Hein. Voilà, encore une qui a peut-être un lien de parenté avec Brissou. Ah, c'est possible. Je ne sais pas. Ah oui, on avait oublié notre petit, notre petit son de Noël. Bah oui, c'est Noël, l'esprit de Noël. Ouais, ben on emmerde Noël quand on entend ça, là, c'est chiant. Ça peut être pas mal que, tu sais, le 24 au soir, comme on sera là aussi entre 21h et minuit, qu'on mette ça, mais non-stop, même pendant la pub et pendant les disques. Mais t'as pas fait les magasins encore là le week-end dernier ou oh, c'est horrible. Vous me dites si c'est trop fort. Hein. Non, ah, t'inquiète. Là c'est un peu fort quand même. Hein. Bah c'est comme ça partout ou non. C'est insupportable. Ah si, c'est-à-dire que moi j'ai fait 200 commerciaux. Mais non, mais non, mais non, mais l'euro il va à la boutique du HLM en bas de chez lui. Ah, ouais, non. Ah non, alors non, je comprends, chez l'épicier il y a c'est pas. Un épicier, acheté des pipasses, des graines de tournesol pour sa sœur. Alors là évidemment il y a pas, il y a pas quoi. Il y a pas. Ouais. Ouais, voilà, y a pas ça là donc forcément. Et des dates pour sa mère. Comment s'appelle ta rhum d'ailleurs? Valérie. Ah Valérie, oui c'est ça, d'accord. C'est marrant, on m'avait donné un autre nom, c'est marrant, je me souviens plus. C'est bon, marrant, c'est qui qui t'a donné un autre nom? On va jouer c'est qui le bâtard qui t'a donné un autre nom? Oh non. Eh, je le défonce, parce que si c'est la personne à qui je pense, je le dégomme. Bah défonce le Vas-y, c'est qui? Balance. Bah donne le vrai nom non. Et après je te dis. L'inverse. Non, on fait un échange de bons procédés, non. Donne le vrai prénom et après je te balance. Non, non. Allez. Non, t'as pas donné le vrai prénom alors, si tu le sais, tu l'as pas donné, ça me dérange pas. Bah toi non plus, tu l'as pas non, donné. Mais n'insiste non. Pas, Roux. D'accord, mais ça peut sortir à tout moment, hein. je ne suis pas responsable. Vas-y, je sais qui c'est qui a balancé, je vais te dégommer. Pourquoi tu regardes la main? Là, je regarde là parce qu'il y a Jack, Micha. Ah, d'accord, ok, très bien, parfait. Bon, en fait c'est off. Non, je sais pas, moi. Je connais pas le nom. Allez, après, je pourrais aller voir, hein, parce que pour toutes les fois, je te dépose devant chez toi. Non, tu pourras pas. Non, il y a pas de nom. Il y a pas de boîte aux lettres, c'est tout. Si, il y a une boîte aux lettres, mais bon, c'est, tu peux pas. C'est ça. Bon, il y a Manuel et Kevin qui sont là pour jouer aux questions pour une réponse. Salut Manu. Salut l'équipe. Salut. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, et vous? Bon, ça va bien, ouais. Manu, 16 ans de Paris. Et Kevin, ouais. 16 ans du 17. C'est ça? Ouais, très bien. Ça, ouais. Parfait. Manu, tu veux jouer avec qui? Avec Roux. Avec le Roux, d'accord, ok, très bien. Et puis Kevin, tu veux jouer avec qui? Bah moi je prends le meilleur, je prends Toff. Mais t'as bien raison. Ah, tu parles. T'as bien raison. Et non mais je rêve où le Roux est en train de menacer ses camarades. Ouais, bah et alors? Non, il a dit c'est pas toi qui a balancé le nom, t'es sûr que c'est pas toi hein. Sans déconner quoi. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon. Ça. Manu, non, Kevin. J'ai demandé les réponses. Ouais. Ouais, Manu, ouais. Kevin, nous allons maintenant jouer aux questions pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Donc, Laurent qui demande la réponse à Sandro et Sandro qui essaie de dire discrètement « Je le savais, mais je ne me rappelle plus. Voilà. » Je n'ai pas cherché à être discrète. Non, bah... Bah non, je joue pas, je m'en fous. C'est ça. Bon, attention. Un très grand bonjour, un amical bonjour de la part de toute l'équipe. C'est ça, comme ça t'entendras mieux Jack l'a essoufflé. Non, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Par contre, Toff, ça te dérange pas qu'il ait le casque derrière l'oreille? Cette saucisse. Quelle est cette saucisse? Tu parles de Sandro, Julien? Bon, Toff, mets le casque correctement. Non, on ne dit rien. Mets le casque correctement. Ouais, c'est ça, la vieille excuse pourrie, tu sais, pour tricher. Ouais, genre. Ah, oui. Bon, attention, vous êtes prêts, Manu? Pris. Manu, tu joues avec Loro. Kevin, tu joues avec Toff. Vous êtes prêts? Première question pour vous. Attention. Top. Je suis un vêtement composé de cuir, de laine ou encore de fibres naturelles qui se porte généralement en hiver et qui s'appelait Top. Autrefois des gants. Non. Roupil. Non, c'est un d'abord pull. Manuel. Tu dis Manu? Un pull. Un pull, non. Roux. Un bonnet. Un bonnet, ouais. Bonne réponse. À se poser des questions. La pétasse qui était aussi appelée comme ça dans l'Antiquité avait la même forme que moi. Au Canada, je signifie tuc en hiver, d'où l'expression courante que Mickaël adore sortir, attache ta tuc. Signifie tiens-toi bien, ça va secouer. Il est fou Pablo. En France, à partir du 6e siècle et jusqu'au 17e siècle, j'étais réservé à une haute classe. Les paysans devaient porter des capuchons. Je suis généralement porté en hiver pour protéger la tête des gens. Polo ne jure que par moi car je suis le seul à pouvoir supporter ses cheveux. Je suis en forme arrondie comme une sorte de calotte. Je peux être de marin de poil ou encore d'âne quand un élève n'était pas bon à l'école. Et si on me coupe en deux, on dit souvent que mon nez est très joli, je suis un bonnet. Attention, 1-0 pour Manuel Héroux. Deuxième question, vous êtes prêts? Prêt. Allez. Ouais. Attention. Ouais. Attends. T'as trouvé bonnet, c'est pas parce que Sandro t'a fait un signe parce qu'il y a un bonnet sur la table. Et non. C'est elle la patronne, c'est elle qui décide maintenant. Non, en fait, j'ai dit mon nom, je pensais au gant et Toff il l'a dit. Donc je savais que c'était ça après. C'était ça ou l'écharpe. Oui. Allez, deuxième question. Vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Attention. Top, je suis la troisième ville de mon pays. Comme hier avec Canberra, je suis composé de près de 1 315 000 habitants et je suis situé. Kevin. Non, je suis situé entre 482 et 579 mètres d'altitude. Pour être vraiment à fond sur les chiffres, je suis traversé par l'Isard sur une distance de 13,7 km et tout ça du sud-ouest au nord-est. Je suis un important pôle économique et le siège de grandes sociétés comme Siemens, Allianz ou encore BMW que nos amis belges appellent BMW. Berlin? Non. Berlin? Oui, ben oui. Ben oui, Berlin. Manuel. Manuel. Encore ? Non. Un film m'a été consacré pour la tragédie qui s'est passée Top. Pendant les JO d'été en 72. Ah mais arrête, Munich. Mais attends, mais t'es un malade ou quoi ? Je termine ma phrase. Mais tu termines ta phrase, tu as donné tout le reste de l'indice. Moi, réponse. Je vais dire mon nom avant, puis je vais écouter tout ton déroulé. Réponse. Munich. Bonne réponse. Tricheur. Ah, j'avais. Je ne suis certes pas la capitale de mon pays qui n'est autre que Berlin, mais je suis tout de même la capitale du Land de Bavière et du district de Haute-Bavière. Je suis aussi célèbre pour ma traditionnelle fête de la bière entre fin septembre et fin octobre. Je suis le club de foot de Kaiserfranck alias Franck Ribéry. Je suis donc Munich. Ouais, une belle question. Effectivement. Oh, ça s'annonce tendu ce soir. Ça s'annonce tendu puisqu'effectivement, Julien, il y a un partout. Attention, deuxième question, vous êtes prêts? Troisième. Troisième, pardon. Troisième, vous êtes prêts? Ouais. Attention. Ouais. Top, je suis né le 18 décembre 1946 à Cincinnati dans l'Ohio aux États-Unis et je suis seulement un réalisateur, producteur, scénariste, producteur exécutif, Ouh. Producteur délégué et créateur américain. Voilà, comme ça, il est content. Ouais, ça m'a vachement aidé, ça. Steven Spielberg. Bonne réponse. Ouais. Ouais. C'était lui ou Cameron? Ouais, c'est vrai. J'ai trois sœurs. C'était et lui ou Cameron ou t'avais les réponses? Ouais. Ah, ouais. J'ai trois sœurs et au début de mon existence, je vis dans le New Jersey et puis en Arizona. N'étant pas un très bon élève, je me suis passionné très tôt pour le cinéma où je réalise mon premier film à 12 ans. Mais c'est en 71 que je connais le succès avec Duel, un film terrifiant qui parle d'un camion maléfique qui poursuit un employé de commerce. Suivront ensuite des gros cartons dans le monde entier comme entre autres E.T. extraterrestre, bien évidemment, les aventures d'Indiana Jones, Jurassic Park ou encore les Dents de la Mer. Je possède la société de production DreamWorks SKG. SKG signifiant bien entendu S pour moi, K pour Katzenberg et G pour Geffen. Mon prénom est Steven et je suis donc Steven Spielberg. Bonne réponse pour l'euro. Bravo à Manuel. Oui, qui a c'est gagné. Voilà. Non, t'avais Munich, t'avais Munich. C'est vrai, ouais, t'avais Munich. Bon. J'ai pas dit, mais. Je me lèche les babines. Oui, Julien. Bon, Manuel, c'est gagné. Je te renvoie chez Michaud au standard. Ouais, et puis, Kevin, malheureusement, c'est perdu. Vas-y, Manu. Bah, alors, je fais une dédicace à Quentin, Chavez, Mad Max, Célia, Jeanne, Camille, Sarah, Clémentine, Marie, Laura, Marion et à toute ma classe, la seconde 5 du lycée Claude Monet de Paris. D'accord, voilà. Le message est passé. Vas-y, je Kevin. Je fais une dédicace aussi. Vas-y. Je fais une dédicace à Ben Cheval et à Maxime Pain. Et à tous ceux du lycée Audin Dubreuil à Saint-Jean-d'Angély. Ok, le message est passé, pas de problème. Salut à vous deux, okay. À bientôt. Salut. Ciao. Et si vous voulez vous inscrire, rejouez donc à question pour une réponse 612. Débutez votre message par énergie, puis vous mettez QPR avec votre numéro de téléphone. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Bon, qu'est-ce que j'allais dire ? On en reparlera demain de toute façon de Confessions Intimes. Rassurez-vous. Et il y avait une petite question là qui, je sais pas dit qui me perturbait, hein, mais disons que j'en avais entendu parler, bien évidemment, au niveau de la balance. On en parlait avec la politique aussi, tout ça, bien sûr. Et puis on en parlait tout à l'heure avant le son de la cave de la balance. Est-ce que vous étiez des balances vous quand vous étiez au bahut? Non. Bon. Non, le roux il était pas comme ça. Non, je sais pas. Non, mais moi j'étais une tombe. T'étais une tombe. Parce que moi je sais que balancer. Ça dépendait quoi. Ah ouais, moi je balançais, tu sais, il y avait un espèce de petit jardin comme ça dans le bahut, tu sais, un petit jardin, jardinet, je sais pas comment on peut appeler ça si tu veux. Un potager. Non, il y avait un petit jardin. Rare, hein, mais rare. Non, mais voilà, il y avait rien d'exceptionnel. Franchement, un petit jardin dans une école, ça peut s'appeler un cimetière. Non, ou un stock. Et donc tu sais, on pouvait pas traverser le jardin, sauf que bien sûr quand tu peux pas le faire, tu le fais. Oui, évidemment. Voilà, et comme tout le monde traversait, moi y compris d'ailleurs, un jour je me suis fait pécho. Et j'ai dit, ouais, et j'ai réussi à négocier de manière à, pour qu'il me file pas de punition de retenue ou n'importe quoi, en fait, je surveillais le jardin. Et donc, du coup, tout ça. T'as vraiment débuté comme une merde. Hein. Et donc, mais j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, bon. Tu risques 20 ans de prison et tu te dis, bah, tu me. Ah non, bah, sa mère, je m'en bats. Mais je suis d'accord. Attends, 20 ans de prison, il y a un jardinet, il y a quand même un monde. Et non, mais c'est pas ça, c'est juste que, voilà, ça m'évitait une retenue ou je sais plus quoi, là. Et donc, du coup, bah, je balançais. Je faisais la police du jardin. Ouais. Police du jardin. Ah, le pauvre type. Le pauvre gamin. Voilà, je faisais la police du jardin, ça s'est très bien passé. Sandro, tu balançais toi, non? Oui, quand ça m'arrange. Ouais, voilà. Oui, j'ai rien à en tirer, et ça sert à rien. Bah, encore heureux, parce que si tu balances alors que t'as rien. Il y a des gens qui prennent plaisir à balancer pour balancer. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en fait, je vous demande ça parce que dans l'état de Géorgie, donc aux États-Unis, il y a deux élèves de 14 piges qui se sont fait balancer par toute leur classe. À votre avis, pourquoi? Sûrement parce qu'ils avaient triché à un exam ou une connerie comme ça. Ils copiaient? Non. Ils parlaient? Non. Ils fumaient en classe? Ah non, ils pouvaient pas parler. Ils étaient sous. Je sais pas, ils envoyaient des messages avec leur portable. Non, non, ils ne pouvaient pas parler. Mangeaient. Et ils se suçaient mutuellement. Exactement. Ah, le pipe. Enfin, pas mutuellement, mais dans la classe. C'est-à-dire qu'ils étaient au fond de la classe en train de se. Voilà, alors dans l'article, ils disent que les deux élèves se livraient à des parties de sexe oral en classe. Oh là là. Et c'est là que tu vois que tu peux mais pas avoir gars, confiance. Ou... Bah ça, je sais pas. Que tu peux pas avoir confiance en tes potes là parce que le prof les avait vus, mais il a rien dit. Mais ça. Mais c'est des jaloux. Bah, oui. C'est en fait c'est parce qu'ils avaient la rage de pas pouvoir se faire sucer par la meuf. C'est pour ça. Bon bah du coup les deux risquent une condamnation pour attentat aux mœurs. Hein. Bah ouais, normal. Ils vont se revirer, c'est sûr. Hein. Ah probablement, ouais, je pense. Mais c'est pas possible. Oh. Maintenant, mais enfin, comment on peut faire des choses comme ça maintenant? Ça parle de cul et qui voilà. Roberto, notre réalisateur de films porno préféré. Comment va ça va, Roberto? Comment ça va, Roberto? Ça va, merci. Mais j'ai entendu l'histoire des deux petits jeunes là, c'est incroyable. Ah, vous aussi, ça vous choque des élèves qui puissent que des élèves puissent avoir des rapports sexuels à l'école? Maintenant, c'est pas ça, c'est qu'on le fasse un procès que je comprends pas. Mais oui, si toi prends pas la sexualité à l'école, tu vas la prendre où? Non mais c'est une école, Roberto, pas un bordel. Mais justement, à l'école, on devrait t'apprendre le bon sexe pour bien faire jouir les femmes. À la place du film sur la reproduction des grenouilles, tu passes un bon film des coups et tu vas voir si les élèves ils sont pas attentifs. Ouais, c'est vrai. Non, enfin, ça y a peu de chances que ça arrive. Hein. Je vais pas vous casser votre délire, mais... Mais c'est ça qui est dommage parce que après tout, tu peux directement faire les travaux pratiques sur ta voisine quand tu as vu le film en classe. Hein. Le problème à cet âge-là, c'est qu'il éjacule pas encore des litres de sperme. Mais on s'en branle, quel rapport? C'est encore quelques gouttes, mais en même temps, c'est bien comme ça, il n'y en a pas partout dans la classe et tu colles pas tous les cahiers. Ouais, bon, ça va aller, Roberto, on a compris, là, vous êtes pour les cours d'éducation sexuelle au bahut. Ah, c'est sous elle, c'est sous elle. C'est ça, voilà, les cours sexuels, ouais. Sinon, j'ai eu l'idée pour la nouvelle production, hein, je vais faire un film sur la vie de Tiger Woods. Bah oui, que ce sera magnifique et ça va s'appeler Tiger's Wood. Alors comme ça on comprend pas. Oh, jeu de mots. Oui, comme ça on comprend pas bien, mais ça veut dire en fait l'érection du tigre. Et il y aura quoi dans votre film? Ou l'érection de Tiger. Des trous, des boules, des drapeaux et du sperme. Oui, ça va, c'est bon. On a compris, Roberto. Là, bon, ce sera un film de cul, quoi. Maintenant, tu es fou. Tu dis ça comme si je faisais du film de merde. Maintenant, moi, je fais les films de l'art. Ça va être beau quand Tiger il va mettre son gros club dans les trous de la triste. Non mais pourquoi? Ça sera grandiose et pour le 18e trou ça sera les feux d'artifice. Oui, bon, ça ira, merci Roberto. Ça a l'air génial, mais faut pas trop en raconter, ça va nous gâcher la fin. Hein. Ah bah oui, vous avez raison, serait pas bien si les gens ils savaient que dans les films il y a une magnifique double anal. Non, ça ira, stop, vous en avez dit assez, c'est bon. Ah, peut-être, je peux quand même vous raconter quand Tiger, il jouit dans la bouche de l'actrice pendant qu'elle les sous au rythme des balles de ses balles de golf. Non, ça suffit. Son visage. Ça suffit, Roberto. Là. Le film de cul avec Tiger Woods, Roberto, il sera sponsorisé par Nick. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Ça suffit, c'est pas le journal du Hard ici, Roberto, donc on va se calmer. Hein. Bon, je vous fais quand même un petit DVD que j'ai mis de côté. Eh ben, on va faire comme ça, Roberto. Il n'y a pas de souci, ça me paraît... ça me paraît une bonne idée. Ouais. Tiens, dites-moi, si vous ne pensez pas que vous pouvez mettre le roux éventuellement dans un petit film à vous, peut-être dans le film de Tiger Woods. Non, je tiens un panneau. Ouais. Qui jouerait le rôle du club? Le club, c'est-à-dire que vous voulez enfourner tous les roues dans les pieds de l'actrice. Ah bah oui, ce serait beau, mais oui, surtout en plus il est roux. Non mais c'est pas ça, mais c'est surtout que ça n'a jamais été fait. Bah oui, on ferait ça dans une actrice noire, comme ça on verrait bien directement à l'intérieur les roues qu'il est tout blanc. Ah, ce serait magnifique. Bon, en fait, oui. Ça fait trois fois que je t'ai dit non. Ouais. Mais pourquoi? Votre agent, il propose. Non, et après... je suis pas son agent, ne dis pas. Il va falloir payer très cher pour que je joue dans un film de cul. Ah, mais ça, c'est pas problème. Nous avons déjà fait des films magnifiques avec des budgets surréalistes. 10 millions. Pour moi. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui. Mais c'est un peu cher quand même. Hein. Ah oui, c'est, on fait des films les qui, on fait pas les films Cameron Diaz. Hein. C'est vrai que t'es un peu cher quand même, Roua. Ah bah écoute, moi j'en ai du litre de sperme. Ah bon, vous avez les couilles bien pleines parce que peut-être vous pourriez faire doublure. D'éjaculation. Ouais, ça, ça va. Ah, ça, c'est possible. Ça, ça va. Ah, parce que... Ah, là-dedans, tu veux bien jouer. Oui, bah oui, j'ai, comme ça, j'ai pas besoin de toucher. Ah oui, c'est, on fait juste la prise du sperme qui sort de les glands comme ça. Ouais, ça va. Ça et va. Alors, on a les litres qui se répandent et le sperme, il coule sur l'objectif comme ça. Mais oui, ça sera beau. Ah, je vois déjà les glands tout rouges. Il va fatiguer. Bon, merci Roberto. Vous êtes bien sûr le bienvenu, mais à l'occasion, hein. Pas bien, tous les jours quoi. Avec plaisir, je reviens la semaine prochaine. Très bien. Noël. Bon, et pour le contrat avec Sandro, là on signera tout à l'heure. Hein. Oui, bien, avec plaisir. Mais vous êtes l'agent, vous n'êtes pas l'agent, je comprends plus. Mais non, le contrat. Ça vous dirait. On t'a pas dit? Ah bah non. Bah, tu es une pute qui se fait défoncer, c'est pas. Ah d'accord. T'inquiète. D'accord. Merci. Ça sera magnifique, tu seras belle, on t'a trouvé les costumes parfaits. Le truc angoisse pas du tout. Tiens alors, bon, ça ira. Alors tu passes devant la caméra, tu joues une pute et puis elle s'en prend pas la gueule. Ah bon. Oh, c'est génial. C'était mon rêve, ce rôle. J'en ai toujours rêvé. Maman. Oh merci. Bon allez, salut Roberto. Hein. Bon, on va revenir dans un petit instant avec The Polo Show, bien évidemment. Et puis l'invité de ce Polo Show ce soir, qui est autre que Sandro. Non, je peux pas. Je dois aller chez le médecin. Non, bah c'est pas possible ça. Si, j'ai peut-être la grippe. Non. Ah les gars, c'est très sérieux. Non, c'est pas grave. J'ai déjà balancé quelqu'un, c'est vrai, il y va pas. On fera. Bon, on va puis se mettre le nom de ta mère, c'est moi qui l'ai donné à Mickaël. On va... je vais te niquer. J'attends que ça. Ah, si tu pouvais me faire jouir pour une fois. Oh, oh là là, c'est bon ça. Eh, ouais. Hey, musique de fête. Pourquoi te fais ça, Alison? Pourquoi te fais ça? Chante pour moi. Attends, je vois dans. Mon amour. Attends, je vois dans la tête du roux. Je vois ce qu'il dit. C'est pour Sandro. Ta gueule. Ah oui, c'est ça. Par contre, tu as une voix un peu féminine, roux. Hein. Oui, j'ai changé. Oui, c'est assez bizarre. Mickaël, le podcast. Il est temps maintenant, minuit 6, de passer au Piwalo Show. Je tiens à dire dans quelques. Est-ce qu'on peut me couper ça? Je tiens à dire dans quelques instants, je vais faire une crise d'épilepsie parce que j'ai mis. Une espèce de réseau spécial ici là dans mon studio. Bon, là, il a mis les lampes qui clignotent. Quoi. Voilà, ça clignote grave et je vais. Si je tombe d'ici 5 minutes, qu'on aille chercher un défibrillateur afin de soigner. Ah, ça tombe bien, on en a. Jingle. Salut, c'est Martin, Secret Story. Et Bruno. Et c'est le. Qu'est-ce que c'est? Martin de Secret Story. Paul, fais attention, j'ai un carnet où je mets toutes tes erreurs. Fais attention, parce qu'à la 10e erreur, je te mets une gifle. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Que vous dire de plus, à part que je fais mon entrée tous les soirs comme un artiste raté, un ringard de la musique. J'arrive avec ma guitare sur le dos pour faire mon show et il n'y a personne. Le public n'est pas là, les sièges sont vides. La bière ne coule pas à flot et les merguez ne sont pas cuites. Jingle, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, il s'est banalisé. Ses idées circulent en soirée, au boulot, à l'école. On se dit ce n'est pas grave, mais en fait si c'est grave. Car ce n'est pas parce qu'il s'est banalisé qu'il est moins dangereux. Le football attaque notre cerveau, diminue nos capacités de perception, de réflexion, peut nous rendre abrutis et entraîner des troubles de l'ordre grave. Alors, ne fermons pas les yeux. Pour connaître les risques liés au hooliganisme et les aides disponibles, appelez votre avocat. Appel gratuit depuis le commissariat. C'était un message du ministère des vrais amoureux du foot. Voilà. Hi, I'm Lily Allen and you're listening to the Polo Show. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Je vous l'ai déjà dit, je suis seul ce soir. C'est triste mais c'est la vie. C'est comme ça qu'on fait une émission de radio. Voilà, seul dans un studio. Qui est là? Je t'écoute. Allô? Oui, bonjour, allô? Thomas? Non. C'est qui? Sabrina. Sabrina, t'as quel âge? 22 ans. Ah, je croyais qu'il y en avait 12. C'est pas mal, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'il est là le... Ah, je l'ai pas. Bon, quelle taille de la dernière pantalon... Voilà, quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Bon, Sabrina, tu veux quoi? Elle joue pas le jeu. Sabrina? Oui? Tu veux quoi? C'était pour vous dire que votre... Oh, dégage d'ici, oh là là. Qui est là? Oh, Polo, c'est Thomas. Oh, Thomas, ça va mon grand? Ça va mon pote? Je te claque une bise, qu'est-ce que tu veux? Et moi de même, pareil, comment ça va? Bien, et toi? Non, je suis super en pétard, ça fait un mois que je m'écorche le prépuce à organiser une soirée psychopathe avec 40 stars du X et tout. Wow. Et on me dit que tu veux pas venir parce que tu préfères les hommes. Non mais attends, c'est quoi cette connerie? Moi je veux bien venir, mais je bosse Thomas. Tu demain, bien. Soir, hey, demain soir, la Sirena 92 rue Richelieu dans le deuxième. Ouais. Ça va être un truc de fou, 40 Alors... stars du X, toute l'équipe d'énergie, vous êtes mes invités perso, sérieux, je compte sur vous, vraiment. D'accord. J'organise ça avec mon pote de Life is the Party, Julien, à qui je fais une grosse bise. Parfait. Et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Attends, et puis, je vous embrasse. Thomas, juste un truc. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés, qui nous appellent hors antenne, on peut prendre leur numéro et puis on c'est les invite. Gratos, c'est gratos. Pour c'est tout gratos. Monde, c'est gratuit pour tout le monde. Tout le monde est la bienvenue en rafale. Ça va être de la tuerie. Et si vous venez, vous voyez Thomas, embrassez-le sur la bouche de ma part. Voilà. Je te roulerai une pelle en personne, mon pote. Ah, je te fais confiance pour ça. Je t'embrasse, Thomas. Allez, bisous, mon grand. Ciao. Bisous, bye bye. Allez, qui est là? On y va. On gicle. Ah, ça c'est Thomas. Ça. Ouais. Thomas, oui. As-tu fait tes devoirs aujourd'hui? Non, sérieux, Polo, écoute-moi. Non, attends, je suis très sérieux. Est-ce que tu as fait tes devoirs aujourd'hui? Bah oui. Oui? Oui. T'as fait quoi? Mon devoir de maths. Bon, alors, c'était quoi ton devoir de maths exactement? Des égalités remarquables. D'accord. Tu peux m'expliquer en deux mots les égalités, enfin ton truc là? Les égalités remarquables. Ouais, vite. Bah, y en a trois, tu veux laquelle? Non, la première, allez hop. A plus B le tout au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus 2 au carré. Parfait. Thomas, oui. Est-ce que t'as tout mangé dans ton assiette? Ouais. Ouais, ouais. Bon, maintenant tu vas au lit, tu mets ton petit pyjama Power Rangers si tu vas aller dormir. Oui, mais attends, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Dis-moi, moi ça me fait bizarre, mon temps de téléphone, je l'entends tous les matins. Bon, tu reviens demain, d'accord? Ouais, mais... Allez, casse-toi, Thomas. Ouais, c'est comme ça. Vous aussi, n'hésitez pas à appeler dans le Polo Show afin de... que je vérifie si vous avez bien fait vos devoirs. Qui est là? Allô, Polo! Salut! Ma oui, et après Thomas, Roberto, c'est la quête. Mais qu'est-ce que j'entends? Tu fais les infidélités, que tu vas les soirées, que c'est pas moi que j'organise? Mais attends, Roberto, je n'ai rien dit encore. Oui, je vais dans des soirées, oui, oui. Ma oui, ma Polo, ma c'est pas bien ce que tu fais après tout ce que moi j'ai fait pour toi. Bon. Comme ça, tu me trompes. Mais je peux venir à ta soirée, Roberto, il n'y a pas de souci. Ah bon? Oui. Parce que moi aussi j'aurai les poutres avec les petits coups que tu pourras taper dessus, les faire rebondir comme parfait. Ça. Parce que je sais que tu aimes ça, les petits coups que ça rebondit. Ah oui, oui, oui, ah, oui, oui. On pourra faire comme la dernière fois le concours de celui qui fait rebondir ouais, le petit. On va pas tout raconter, Roberto. Bon, Roberto, qu'est-ce que tu veux à part ça? Ah ben non, c'est parce que j'étais fâché, j'avais la bite en pétard de t'entendre comme ça parler avec un autre des coups alors que la normalement on parle que de ça à nous deux enfin. Bon Roberto, t'inquiète, ah, je viens oui, ta Polo. Soirée. Polo? Oui? Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. Ne t'inquiète pas, remets ta bite, enlève le pétard de ton bite et puis on vient ta soirée, t'inquiète. Ah ben ça me fait plaisir, je suis content Polo. Allez ben, Roberto. Oui. Que je t'embrasse sur les bouts du gland. Hein. Je te mets un doigt, moi. Allez, ciao. Oh, avec plaisir, j'adore Polo, tes gros doigts boudinés. Allez, casse-toi. Qui est là? On y va. Monsieur est. Monsieur est. Monsieur est. Monsieur est. Monsieur est. Monsieur est. Monsieur est. C'est pas possible. Monsieur est. Monsieur est. Monsieur est. Monsieur, il paraît que vous avez vraiment perdu toutes vos affaires. Moi, je croyais que c'était une vanne. Et vous êtes nus, là? Vous êtes comment? Avec des tongs? J'ai perdu mon pain. Ah, oh. Ah oui, bah oui. Tu veux un engin. J'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mes clés. J'ai tout perdu. Mais ça, et... oui, oh, d'accord. Oui. Mais t'es comment là? T'es nu? Tu dors où? Je dors à l'hôtel, Polo. Oh là là là là là là là là. Mais tu fais comment? Et Il est là, Michael ? Il n'est pas là. Cher, Apple. Cher, bah oui, mais c'est en même temps, tu vas dans des endroits qui sont pas pour toi aussi, mon petit bonhomme. C'est pour nous, j'ai fait un rêve, c'est dit. Oh là là. Tu sais que j'ai rêvé de toi aussi l'année dernière. Je rêvais que je te tirais tes cheveux. Tirais les cheveux et qu'on était en train. Tu sais, c'était bizarre. T'es là, comme ça, nu. Tu tirais les cheveux pendant que je te faisais un café. C'est ça. Et j'étais en train de me tremper une tomate mozzarella dans ce café. C'était horrible. Et puis tu me branlais. Quelle horreur. Bon monsieur, on va ça pousse, on va pas y aller, on va y aller dans pas longtemps. Faut conclure. Ouais. Polo, monsieur. Polo, je vais te dire quelque chose. Je vais faire une révélation, Polo. Je t'écoute. Entre monsieur et les lumières qui clignotent, je vais tomber dans deux secondes là. Tombe. C'est un bon miracle. Polo. Je t'écoute, monsieur. J'ai rêvé que t'allais chez le docteur. De quoi? J'ai rêvé que t'allais chez le docteur. Et alors? Que t'allais avoir un enfant. Un quoi? Avoir un enfant. Oh, bah ça c'est un beau rêve ça. Ouais. Ouais. Et puis on cherchait qui est père. En tous les cas, ça sera pas toi. Monsieur, on va y aller, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Non, il est pas là. Bon, allez, dégage, allez, casse-toi. Allez, hop. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. Et pour terminer, 5 secondes. Ce polo show en beauté avec Maître Peters. Allô? Mais oui, mais ce n'est pas Maître Peters. Bah c'est écrit Maître Peters. C'est le professeur Buzz. Ah, Monsieur Buzz, bonjour, oui. Professeur Buzz, qu'est-ce que vous voulez? Je vous appelle pour apprendre un mot, l'étymologie d'un mot. Aujourd'hui. Je vous écoute. Alors ce mot aujourd'hui c'est Nardinemouk. Quelle est l'étymologie de ce mot, Monsieur Polo? Je ne sais pas, Professeur Buzz. Quelle est l'étymologie de ce mot, Monsieur Polo? Je ne sais pas, Professeur Buzz. Mais vous êtes mauvais. Bon, allez-y. C'est quoi? Vous êtes mauvais, faites-moi buzzer ce mot. Je pense qu'il y a un buzz. C'est quoi le mot? Quel est le mot? Nardinemouk. Mais c'est quoi Nardinemouk? C'est un mot? Non, vous êtes là pour nous apprendre l'étymologie, Monsieur Polo. Bah alors, apprenez-moi l'étymologie, je suis pas professeur, moi. Je ne sais pas. Bon, Monsieur Buzz, Professeur Buzz. Faites-moi buzzer ce mot. Monsieur. Foutez-moi le camp, vous plutôt. Ainsi achève le Polo Show, merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux, tous les soirs, je suis numéro 1. Oui. Oh non, t'es dernier, hein. T'enflamme pas non plus. Je suis dernier, pardon. Michael, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.